MEV dans vos oreilles. Semaine 10. Coucou, on est dans le train. Samedi 17 août 2019. Oui, nous avons passé la journée à Tbilissi avant de prendre le train. Donc on est dans le train pour aller à Bakou. Train de nuit. Oui. Nous allons traverser la frontière en pleine nuit encore une fois. Ça faisait longtemps. On est content d'être dans le train. Oui. Non, théoriquement, on ne va pas sortir du train. C'est pas comme le bus. T'es obligé à sortir. On croise les doigts. Je sais pas, de ce que j'ai lu, ils peuvent fermer les cabines et te faire sortir. Ouais. Enfin, on verra. Tu verras ce que cette expérience qu'on va vivre. On a pu imprimer d'autres visas. Et en fait, trouver un endroit où imprimer un truc à Tbilissi, un samedi. Oui, parce que alors, samedi, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, contrairement en France. Et donc, on a eu un peu peur de ne pas pouvoir l'imprimer. Alors Vincent disait que c'était pas grave. Moi, je me dis que en plein milieu de la nuit, la douane Azerbaïdjan, je suis pas sûre qu'elle soit très très douce. Ah bon ? C'est bien d'être naïf. Non, ça aurait peut-être été un peu plus long que prévu. Je pense qu'en vrai, si t'arrives à te faire comprendre que t'as pas pu l'imprimer, que tu as une preuve quand même, que tu l'as payé, que t'as sur un écran. Tu te rappelles des douaniers? Est-ce qu'ils ont une tête de gens compréhensifs qui ont envie de te laisser faire des trucs sympas? Non, tu te rappelles le mec qui t'a fait rentrer en Géorgie ou pas? Que t'as cru que t'allais finir en prison parce que tu savais pas dire ton nom? Non, je comprenais pas mon nom quand tu le disais, c'est pas pareil. Bon, ouais. Bref. Et donc aujourd'hui, on a pas fait grand-chose. On est retourné dans notre petit café Bobo à souhait. Dans le quartier à côté de notre hostel. Et on a pas mal travaillé, en fin de compte. Bon, on a toujours pas monté le podcast. Enfin, j'ai toujours pas monté le podcast, mais on a fait d'autres trucs. Moi, j'ai un peu avancé quand même sur le documentaire. Voilà, il reste plus grand-chose à faire. Normalement, il est quasi fini pour l'épisode 1. Est-ce qu'il en reste d'autres à faire? J'ai un peu avancé sur l'organisation de notre voyage après Bakou parce que ça va pas être la partie la plus facile, je pense, de notre périple. Sport. Mais moi, j'ai hâte. On est trop habitué à ce que ce soit trop facile. Tu vois, t'achètes des billets sur Internet, hop. A priori, il faut aller à un endroit en particulier pour acheter des billets pour le bateau, mais sauf que tu sais pas quand est-ce que le bateau part. Entre un jour et 15 jours, quoi. Voilà. Et en fait, on t'envoie un message, on t'appelle pour te dire. C'est à toi d'appeler, quoi. Ouais. Tous les jours, faut appeler pour savoir si le bateau va partir aujourd'hui ou pas. Et quand ils te disent oui, il faut être prêt à partir, parce que ouais. C'est maintenant ou jamais. Voilà, bah, c'est notre seul moyen là pour l'instant quand même d'aller au Kazakhstan. Ouais. Sinon, c'est retour en arrière, quoi. Bah, où on essaie d'avoir un visa pour là, soit la Russie, soit l'Iran. Ça veut dire un peu galère et un peu plus cher, quoi. Sachant que si on passe par l'Iran, faudra aussi passer au Turkménistan. Ouais, en vrai, je pense qu'il vaut mieux demander son visa russe, parce que tu sais qu'une fois que tu as ton visa russe, tu peux y aller au Kazakhstan. Alors que sinon, une fois que tu as ton visa iranien, ça veut pas dire que tu auras celui du Turkménistan. Donc une fois que tu te retrouves en Iran, si t'as pas ton visa de Turkmène, on recommence. Ça, c'est comme genre les labyrinthes, quoi. T'as le bon goût, ah bah non, tu repars. Non, mais il y a plein de gens qui disent que ça se fait très bien, c'est juste qu'il faut être patient et que. Tombe bien, nous on est patient. On a 30 jours pour rester en Azerbaïdjan, on a un visa de 30 jours. Donc là, on est dans une cabine avec deux autres personnes qui sont très gentilles, qui, quand on est arrivé pour monter sur le lit du dessus, tu n'as pas d'échelle. C'est un peu. Faut être un peu. Acrobatique. Acrobate, ce qui n'est pas trop mon cas. J'ai réussi ton anglais. Mais ils nous ont proposé gentiment qu'ils prennent le lit du dessus et nous du tout. On trouvait ça trop sympa, on était là, oh mais trop gentil, vous n'êtes pas obligé, tout ça, tout ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte que les numéros, c'était nos lits qui étaient en bas. Bon bref, mais quand même, ils sont quand même très gentils, c'est pas la question. Parce qu'eux, ils croyaient aussi, c'était pas évident quoi. En fait, si, c'est très très évident, c'est juste qu'on n'avait pas vu les numéros du tout parce qu'ils étaient assis devant. C'est tellement chaud quand on est rentré dans le wagon. Et on va s'attendre à avoir des belles petites températures sympathiques. Déjà à Bakou, au moins 34 degrés. Et ensuite, au Kazakhstan, là où on va arriver, 38 degrés. Mais on le fuit. Normalement, on arrive au port et le plus vite possible, on prend un train de 2 jours et demi, je crois, un truc comme ça, pour aller jusqu'au Kyrgyzstan. Parce que le Kazakhstan, on comptait le faire plus tard, justement, quand il ferait plus frais. Donc en septembre ou octobre, quoi. On va faire une espèce de petite boucle qui n'est pas très très optimale d'un point de vue géographique et qui nous permet de profiter de chaque pays dans ses meilleures conditions. Oui, on verra à ce moment-là. En tout cas, il est parti à l'heure. Et puis voilà, il y a une jolie petite musique, celle que vous entendez derrière, qui était dans notre cabine. Heureusement, on a pu baisser le son, parce que là, c'est dans le couloir. Et j'ai tenté le bouton du son dans le couloir, mais ça fonctionnait pas. Bah sinon, on n'aura pas le temps de profiter du train, parce que finalement, c'est juste une nuit, quoi. C'est pas... Profiter des paysages, tu veux dire ? Bah non, mais des paysages, mais aussi de rester dans le train, quoi, parce que il est 21h30. On va dormir et puis on va se réveiller et puis ça va être fini quoi. Ouais, ça va être un peu ça. Enfin, entre temps, on va avoir un passage de frontière. Il est 21h48 et on nous a confisqué nos passeports à la sortie de la Géorgie. Et on est quand même à 7 km de la frontière. Donc ça va se faire en deux étapes. J'ai les chocottes. Non, mais c'est trop cool, on a un peu papoté avec. Comment je t'ai dit ? Talé et Afga. Et donc Talé nous a parlé un peu français. Et nous a recommandé plein d'endroits à voir. Il est 22h45. Ça fait une heure que le train est arrêté à la gare. Et on n'a toujours pas récupéré nos passeports. Apparemment, il y a des gens qui ont des problèmes de... Alors, je sais pas si c'est de sortie ou d'entrée... Voilà, on est à la frontière géorgienne, mais je sais, comme ils ont vérifié notre visa pour l'Azerbaïdjan, peut-être que c'est des gens qui n'ont pas leur visa. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on est bloqué. Donc, voilà. Et il fait, du coup, le train est arrêté, il n'y a plus de climatisation, donc il fait très, très, très chaud. Nous sommes le 18 août 2019 et nous sommes enfin arrivés à Bakou. On a été accepté sur le territoire. Azeri. Ouais, je sais pas trop la fière. Moi, j'aime pas passer les frontières, on sait jamais quoi. Donc, ça va. C'était plutôt facile. Oui. Bah, tu passes le devant un douanier qui est avec son ordinateur portable dans le wagon et il te prend en photo, quoi. Voilà. Ça va, il était pas 4h du matin, on était pas genre à moitié endormi avec le chien dans tous les sens. On a veillé. Jusque-là, quoi. On a voulu pas dormir parce qu'on s'est dit si on doit se réveiller, ça va être dur. Il était pas très tard, mais c'était un petit peu fatigué. Bon, c'était silencieux, le billet, ça devient très bruyant d'un coup. Bon, la musique était pas si forte. Donc on est arrivé à Bakou ce matin, ouais. À l'heure prévue. Tout à fait. On n'a pas raconté qu'on a fait la connaissance de Talé. Si, on en a parlé. C'était sympa parce que dès que il se passait un truc avec la contrôleuse ou quoi, enfin il nous traduisait tout si on avait besoin, enfin il était adorable quoi. Oui, très très gentil. Première impression sur Bakou ? Ouais, c'est étonnant. Enfin, avant d'arriver, on est vraiment beaucoup très dépaysé. On est au bord du fleuve, je pense, mais après c'est le désert et c'est des sortes de casbahs dans le désert quoi. Alors dès lors que tu sors de la gare, c'est vraiment, on se croirait à Paris quoi. C'est des grandes avenues avec des immeubles pas haussmanniens mais dans un style assez proche de l'haussmanien. C'est vraiment très très... Avec plein de boutiques, alors il y a des boutiques de luxe, je pense qu'on a traversé une rue qui était assez luxueuse, mais aussi des boutiques tout à fait classiques, enfin des trucs qu'on trouverait nous chez nous. Ce qui nous change un peu de la Géorgie, par rapport à la Géorgie ou la Turquie, où c'était pas trop le cas, clairement c'était assez différent. Tu disais les panneaux des rues. Les plaques des rues, c'est la même forme et les mêmes couleurs qu'à Paris quoi. Voilà, on a traversé juste une petite partie du centre. Ça a l'air très grand, donc je ne sais même pas trop ce qu'on a traversé, mais pour aller jusqu'à notre auberge de jeunesse, on s'est arrêté entre temps, mais c'est peut-être le quartier qui est le plus récent. Enfin, pareil, c'est pas qu'il soit récent, mais c'est... Ça fait début 20e, quoi, comme... je pense. Oui, mais du coup, c'est pas récent. Non, mais ce que j'appelle récent, c'est qu'on a vu plein de tours aussi, hyper modernes. En verre, etc. Il y a plein de constructions qui sont en cours. Donc, c'est ça que j'appelle récent. Début 20e, c'est pas récent. On a l'impression que c'est un pays quand même beaucoup plus riche que la Géorgie et la Turquie. Là, ça se voit à la valeur de la monnaie, ah oui. Notamment, qui est 1 euro, c'est 1,8 manette. Donc, il n'y a pas une grosse différence comparé à ce qu'on a vu en Géorgie et en Turquie. Et puis, même, ça se ressent, je sais pas, dans le. Pour l'instant, quoi. Oui, ça, on a l'impression d'être dans un pays riche, quoi. Mais bon, bah, c'est la capitale, après, ça, c'est pas très significatif. Oui, mais à Istanbul, ça ne donnait pas du tout cette impression-là. Donc, à Tbilissi, un peu plus déjà. Ça ressemblait plus à une capitale européenne, on va dire. Enfin, avec des magasins classiques. Du coup, on s'est atteint un petit café où on peut manger ce qui nous a manqué, la bouffe turque. Alors, aussi, c'est curieux parce que la langue azérie, il y a beaucoup de mots qui sont turcs. En fait. Donc, petite facilité, on n'a pas trop à apprendre en plus par rapport à ce qu'on... Enfin, on pourrait, mais pour le peu de temps qu'on va rester ici, au moins, on sait dire merci. Et voilà. Et Talé nous disait que entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, ils ont une espèce de proverbe qui dit « un état, deux nations ». Donc, en effet, ils ont l'air d'être assez proches. Alors que c'est une ambiance complètement différente, par exemple, de ce qu'on a vu, quoi. Ouais, et puis alors, un truc qu'on a remarqué quand même à chaque fois qu'on dit qu'on vient de Paris, c'est les gens, ils ont des étoiles dans les yeux, quoi. C'est incroyable. Et c'est rigolo parce que depuis qu'on est parti, je vois énormément de gens qui portent des t-shirts, tu sais, avec des phrases écrites en français, ou des marques françaises, enfin, tu sais, où il y a marqué genre Paris, machin, et tout. Ce qui n'est pas trop le cas chez nous, quand même, globalement. Et tu sens que ça véhicule une image, je sais pas, à la fois peut-être de... Bah, c'est le luxe, c'est le romantisme, c'est tout ça quand même. Ouais. Les gens nous disent que le français c'est hyper beau à écouter, mais que c'est hyper dur à apprendre. Enfin, c'est... Et ça, je suis d'accord avec eux. C'est dur à apprendre. C'est difficile de se rendre compte quand c'est ta langue maternelle, mais... Non, mais je comprends, enfin, mais en même temps, objectivement... Comme on disait, c'est vrai que par rapport à l'anglais, on a un vocabulaire très très riche. Plusieurs mots pour désigner la même chose. Oui. C'est... Des règles de grammaire qui sont quand même pleines d'exceptions. Ouais, non, mais c'est le bordel. Instinctif, quoi, comme l'anglais. Non. Voilà. Vincent a bu son litre de thé turc, là. Non, c'est du thé normal, mais c'est... Oui, c'est du thé noir, hein. La turque, un petit verre comme... Oui, forme de sablier. Du coup, il est content, il mange des smiths aussi. Content. Oh là là, bah, ils sont bons en plus, hein. C'est super bon. Ouais. On va se poser là un peu. Ouais, on va aller à notre hostel. On va peut-être travailler un petit peu là quand même, parce qu'on a du retard. Ça a l'air trop cool, notre hostel. Ouais. Et après, faut qu'on se renseigne à comment est-ce qu'on prend ce bateau. Ça m'excite et ça me stresse un peu à la fois. Quoi. J'ai pas non plus envie de passer la semaine ici. Voilà. Ça peut être 15 jours aussi. Hein. Apparemment, on n'était pas trop quand même. Mais on va y arriver. Ah oui. À quel prix ? Pas de financier, mais de complications. 19 août 2019. Hier, le 18 août. À Bako, on est allé seulement manger dans un très bon restaurant et où les mecs étaient super sympas et a bien kiffé encore une fois qu'on dise juste merci en azéri. Et puis ensuite on a dormi à l'hostel et on a préparé notre périple pour le Kazakhstan. Ouais. Et il se trouve que comme on sait un petit peu au dernier moment quand est-ce qu'on a un bateau qui arrive au port international de Bako, et ben tu l'as su quand ce matin ? Cette nuit, enfin vers 1h du matin, quoi, en train de papoter avec le mec sur WhatsApp, c'est quand même hyper pratique. Du coup, normalement il faut appeler, etc. Mais bon, vu que j'avais un numéro, que WhatsApp avait l'air disponible, je me suis dit je vais tenter. Et du coup, il parle anglais, le monsieur ou la madame d'ailleurs, je ne sais pas. Et on a pu échanger. Il m'a dit que le prochain bateau était à 2h aujourd'hui. Et voilà, en gros. Donc pour l'instant, Donc du coup, on avait dit qu'on mettait pas de réveil, mais j'avais mis un réveil pour te réveiller parce que toi, t'avais pas cette information. Et pour l'instant, notre périple se passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'on avait un bus à prendre et un deuxième bus. On est dans le deuxième bus, donc on a réussi à faire une petite partie du chemin. Je veux dire qu'on est à la moitié, même si géographiquement on n'est pas à la moitié du chemin. On peut parler déjà de l'hostel aussi, où on était. Ouais. C'était très très joli. Il était très beau, assez confortable. pas hyper hyper propre les salles de bain et tout ça, comme d'habitude, mais les chambres étaient confortables. Ça va, franchement. Ah bon ? Enfin, la tienne peut-être alors, parce que. Peut-être. Parce que. Bref. Il y avait un chaton. Oh mon dieu. Il avait une petite tête tellement mignonne, quoi. Il jouait, on a fait des câlins, il a ronronné, tout ça. Je sais pas trop s'il est bien traité par le propriétaire, enfin. Ou en tout cas la personne qui était là quand hier soir et ce matin, qui l'a un peu retiré de la chambre en lui foutant un coup de pied au cul. Donc, bon, bref. Mais il est vraiment trop chou. Ce matin, on s'est levé tôt, on a pris un petit déj à côté et puis on est parti prendre le bus. Et sauf que le bus, le chauffeur ne te vend pas de ticket de bus. Non. Et on s'est retrouvé un peu comme des cons parce que on pouvait pas non plus, on n'avait pas de carte parce que c'est une carte plastique rechargeable. Qu'on n'a pas prise parce qu'on savait pas combien de temps on allait rester et qu'on n'avait pas besoin de prendre les transports à part ces deux bus là aujourd'hui. Donc, et pas possible comme à Tbilissi ou de payer avec ta carte bleue directement dans le bus. Ce qui est, ça c'est juste formidable. Très très pratique quoi. Surtout quand t'es touriste, c'est que tu viens là pour pas longtemps. Et alors en effet, tu payais plus cher ton trajet, mais ça simplifie tellement la vie. Même la carte de transport était facile. Enfin, tu peux la rapporter, te faire rembourser. À Tbilissi, c'est quand même c'était assez bien pensé, hein, dans le point de transport. Oui, si tu veux te faire rembourser ta carte, par contre, faut garder le ticket quand t'as acheté ta carte. Ce qu'on n'a pas fait. Ah, déjà, la dame me l'avait pas dit quand elle nous l'a vendu. Et en plus, je venais de le jeter la veille parce que j'avais fait nos comptes et du coup, j'en avais plus besoin. Et oui, c'est toujours comme ça que ça arrive. Bon, en même temps, on parlait pas de beaucoup d'argent, mais c'était au moins laisser la carte en plastique pour qu'elle puisse être réutilisée potentiellement. Et n'ayant pas de ticket de bus ou de carte, on allait sortir du bus pour en acheter une. Et il y a une dame qui a validé deux fois sa carte pour nous. Et on voulait on voulait lui payer quoi, le billet, elle a pas voulu. Donc c'est juste hallucinant. Voilà, c'est incroyable. Et puis là-haut, voilà, on a trouvé le bus, le deuxième bus assez facilement. Ça passe. C'est-à-dire qu'avec nos gros sacs, encore ça va, le bus est spacieux. Ouais, plus spacieux que les petits dolmus qu'on a pu prendre en Turquie ou en Géorgie. On intrigue beaucoup les gens et les enfants. Raconte ce que le monsieur t'a dit quand il nous a demandé de quelle nationalité on était, quand on lui a dit français. Il était surpris parce que mes cheveux étaient très noirs. Enfin, c'est rigolo. Mais les gens sont vraiment très gentils quoi. Ils sont curieux, ils sont gentils. On attendait le deuxième bus et il y a un monsieur qui est arrivé. J'ai vu qu'a priori c'était quelqu'un, un chauffeur de taxi. Mais il nous a proposé un taxi et comme on lui a dit non, il nous a dit où est-ce que t'es l'arrêt de bus. Enfin, hyper. Oui. Pas du tout insistant. Enfin, je suis pas sûr que les taxis parisiens feraient la même chose. C'est très bizarre que tout le monde nous regarde. Bon, surtout qu'on a le micro dans les mains, donc forcément ça. Oui, encore plus. Et puis alors, avec nos casquettes et nos vestes à poche et nos lunettes, on a vraiment des looks de touristes à 2 millions de pourcents. Ah. Voilà, on sait pas si on va réussir à. Enfin, s'il va nous arrêter au bon endroit. C'est pas le même chauffeur en fait, c'est pour ça. C'est là que tu diras son copain, non ? C'est le même chauffeur ? Si, c'est le même. Ah bon, je le vois pas. Ah oui. Ouais, pas bien de loin. Bakou, on n'a pas visité, on s'est baladé un peu dans notre quartier, mais c'est tout. Pourtant, je pense que ça aurait été intéressant, mais c'est vrai que bon, on était quand même assez pressé de. Enfin, pas pressé de prendre le bateau, mais étant donné qu'on n'en a pas non plus, apparemment des mignons, on n'a pas voulu louper le coche de prendre le prochain qui arrivait, et puis on verra bien quoi. Ouais. Encore une fois, c'est vrai qu'il faut qu'on soit au Kyrgyzstan assez rapidement pour éviter d'être dans la neige. Donc c'est un peu ça. Mais sachant qu'on peut aller jusqu'à Bakou en train depuis la France, à part le passage Turquie-Géorgie, et au final c'est une liaison qui peut se faire jusque-là. Donc je pense qu'on le refera un jour et je pense que ça mérite. Le pays mérite d'être visité à mon avis. Ouais. Et la ville est assez surprenante. On en a parlé hier de l'histoire de l'architecture qui fait très haussmannienne. On l'a encore revu pas mal ce matin. Il y avait des façades, on aurait vraiment dit le Lutetia à Paris. Enfin, c'est assez. Ouais, avec des toits en zinc. Il y avait aussi l'Opéra de Sydney. Ouais, sûrement c'est le même architecte. C'est assez rigolo quoi. C'est un mélange de plein de. de bâtiments contemporains, modernes. C'est aussi un peu de, je sais pas, c'est néo-gothique, c'est ça, mais bref. En tout cas, c'est agréable. Enfin, La ville est super agréable, en fait. Il a beau faire chaud, comme il y a pas mal de verdure, c'est pas étouffant. Parce que là, on est quand même au milieu du désert. Hein. Enfin, clairement. C'est un peu l'avantage des climats secs, c'est que dès que t'es à l'ombre, tu as de la fraîcheur, en fait. Et en plus, il y a beaucoup de verdure, beaucoup de parcs. Et les gens roulent pas comme des tarés en bagnole. Ils te laissent passer. Ils s'arrêtent au passage faison. C'est fou, ça. Ça, on n'était plus habitués. Bah, c'est assez agréable, hein, quand même, parce que c'est pas le truc que je préférais, quand même, des pays qu'on a traversés. Donc voilà, et là, on est entre la mer et le désert. Ouais, exactement. On espère juste qu'en arrivant au port, ça va se passer bien, qu'on aura une place. Parce qu'on a, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut payer nos billets en ligne sur la plateforme de l'aéroport, enfin, du port, pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'on achète nos tickets. C'est-à-dire qu'on les paye juste par carte bleue. Parce que sinon, on peut les payer sur place en dollars ou en manates. Mais comme nous, on voulait éviter les frais de retrait en dollars ou en manates d'ailleurs. On s'est dit que c'était plus simple de payer par carte bleue. Ça veut pas dire qu'on a une place, quoi. Non. Et alors, il semblerait que ce soit un pétrolier. Je crois. Bon, voilà. On a vu des plateformes pétrolières sur le chemin. Oui, il y a beaucoup. Et des puits de pétrole aussi au bord, sur la terre, là, au bord de la mer. Ce qui expliquerait pourquoi le pays a l'air assez riche, quand même. Enfin, la ville, en tout cas, a l'air assez riche comparé aux capitales qu'on a croisées. Bon, une ville ici, un peu, mais c'est vrai que sinon... on sent quand même une opulence. Oui, et puis les prix. Les prix sont comme en France. Hein. Là, clairement, on est dedans. Ouais, donc le pétrolier. Je sais pas ce qui est mieux. Hein. Là, à ce moment-là, c'est mieux prendre l'avion ou un pétrolier. Le pétrolier, il va circuler dans tous les cas. Mais l'avion aussi. Non, mais l'avion, il circule que parce qu'il y a les passagers qui veulent le prendre. Là, le pétrolier, il circule pour d'autres raisons qui sont indépendantes de la volonté des passagers. Ouais. Il serait vide, quoi. Enfin, les cabines seraient vides et lui, circulerait quand même. En tant que passager, t'as pas le même impact. Oui, bah oui. Voilà, dans ton choix. Bon, après, j'ai envie de dire, Greta Thunberg prend ça dans les dents. Elle choisit un voilier, nous on choisit un pétrolier, quoi. Tellement plus écolo. Ouais. Bah, c'est que ça serait notre première expérience en bateau. Enfin, en bateau un peu long, quoi. Pas aller sur la traversée de 2 heures. Ouais. De Marmara, la mer de Marmara. Ce sera un peu plus court que pour aller en... Un peu plus long, pardon, pour aller en Irlande. Oui. Sachant qu'à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises, parce que les témoignages disent quand même que quand tu arrives au port, même si le bateau il est prévu à partir à telle heure, tu peux attendre genre 6 heures à ce qu'ils partent pas en fonction du trafic, des conditions météo. Bon, alors là, les conditions météo ont clairement l'air d'être clémente, bon, même si je connais pas grand chose en mer, mais en tout cas la mer est calme et il y a du soleil, quoi, donc je sais pas trop quelles conditions météo pourraient nous empêcher de partir, mais bon, on n'y est pas encore sur ce bateau, hein. Non. Pour revenir sur Greta Thunberg, c'est que il y a les 49% des médias laissent la parole aux climato-sceptiques au lieu de donner la parole à des vrais scientifiques, quoi. Au lieu ou en plus? Non, au lieu. A priori, hein, enfin, c'est sûr que quand tu vois toute la presse détenue par des grosses... Par voilà, des industriels. Forcément... Ils n'ont pas tellement intérêt à promouvoir la pensée écologique, ça c'est sûr. Hein. Pas écologiste. Ouais, et c'est plus facile aussi pour propager cette parole complètement absurde. On doit du sel. Ouais. Je pense qu'on est de... Je sais pas si c'est un marais salant, s'ils l'utilisent pour saler. Mais en tout cas, il y a, je pense, énormément d'installations, enfin on a vu, pour le pétrole et tout ça, le gaz. Ouais. On est en train d'attendre de pouvoir récupérer notre billet pour le bateau. On est arrivé à 1h30 à peu près. Il est que 14h18. Non, on est arrivé à midi et demi. Ouais. Ouais, c'est presque 2 heures qu'on attend devant parce que le gars a plein de billets, mais il veut pas les donner. Il veut pas les donner. Enfin, on se plaint pas, il y a des gens qui attendent depuis 4 jours. Hein, donc, oui, c'est vrai. On espère qu'on partira ce soir. On espère. Bon, a priori, il a dit qu'il n'y aurait pas de souci, qu'on partirait, mais... C'est pas lui qui a dit ça, c'est le monsieur qui est en train de parler là-bas. Oui, mais c'est ce qu'il, a dit. Ah. Enfin, s'il retranscrit ce que le monsieur lui a dit. On espère. En azéri, je pense. Bref. Après, oui, la personne avec qui j'étais en contact m'a dit que le bateau partait aujourd'hui, celui au poste contrôle à l'entrée du port aussi. Donc, bon, a priori, il partira aujourd'hui. Il va partir ouais, vers d'ici 18h, 19h, tout comme ça. Peut-être qu'il partira que 20, 11h. Nous, on s'en fout. Ce qu'on veut juste, c'est un ticket pour être sûr qu'on part aujourd'hui après. Oui, après, on pourra aller bouffer. Il faut attendre, parce que j'ai faim là. Et il y a beaucoup de Français qui attendent. Ouais. Il y a une bonne. Et de francophones, parce qu'il y a aussi deux Belges flamands. Voilà, il fait chaud. Il faut être patient. On patiente. Moi, attendre ne me dérange pas. Je suis sûre que je dors pas dans la salle d'attente. Ça me dérange pas. Bon, après, même si on dort dans la salle d'attente, c'est pas dramatique. Mais non. C'est juste que on n'a pas visé trop bas coup, donc c'est dommage. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je sais. Cela dit, on est quand même à l'ombre, donc il fait pas chaud à l'ombre. Heureusement. À suivre. Il est 22h09. On est dans le bateau. On y est depuis 18h environ. Ouais. Donc 4h, on est dans le bateau. Donc on avait acheté nos billets sur internet. Enfin, pas nos billets, on avait payé nos billets sur internet. 80$. Normalement, 80$, c'est la valeur d'une cabine pour 2 personnes. Et quand on a voulu, du coup, échanger notre confirmation de paiement contre notre ticket, le monsieur nous a dit « Ok, mais il n'y a plus de wagon, enfin plus de cabine de 2 personnes, donc ce serait une cabine de 4 personnes. » Ou alors vous attendez le prochain bateau. Ce qu'on ne voulait pas faire, clairement. Donc on a dit... Sur internet, j'avais pas le choix. Sur internet, c'était 80$. Ah oui, sur internet, j'avais pas le choix. Donc on a dit « Non, non, on prend la cabine de 4 personnes. » Et au début, je me suis dit « Ben, ils vont peut-être nous rembourser. » Bon, en fait, on a abandonné, on avait la flemme de négocier, enfin de discuter, de négocier, tout ça. Donc on s'est dit « Bon, ben voilà, tant pis. » Surtout que le gars parlait pas bien anglais, en fait. Hein, donc ça, il avait appelé quelqu'un qui m'avait parlé. Peut-être la même personne qu'avec qui j'ai échangé sur WhatsApp, d'ailleurs, on ne saura jamais. Et du coup, quand on est arrivé sur le bateau, on a montré notre billet, sur lequel il est bien marqué qu'on avait payé, du coup, 80$. Et ils nous ont dirigé vers une cabine de 2 personnes. On ne saura jamais trop ce qui s'est passé. C'est un peu comme avec le monastère. On ne sait pas, mais voilà, on y est. C'est très spacieux. Ah oui, disons, c'est énorme. C'est presque aussi grand que notre appartement à Paris. C'est ça. Bah nous, ça nous suffit. Hein. Largement. Donc voilà, on a mangé. Ouais, on a mangé, c'était bon. Hein. C'est pas de la grande gastronomie, mais voilà, ça nous suffit. En même temps, c'est pas très compliqué de louper un plat de pâtes et une soupe de lentilles. Enfin, dans le sens où c'est assez simple, donc ouais, c'était nous, voilà. Ça nous allait. Ça nous a très bien été. On a réussi à lui dire qu'on voulait pas de poulet parce que c'était des pâtes et du poulet normalement. Ouais. On est calé. C'est bien. Ouais. Il fait chaud. Là, Vincent, on aura beaucoup dit qu'il faisait chaud aujourd'hui. Oh, tu peux parler, toi. Oh oh. Peut-être on va partir en fait. Se passe quelque chose dans les machines. Je sens des vibrations. Bon, nous on s'en fiche un peu. Hein. Tant qu'on avait un pied sur le bateau et un lit, on était contents. Oui, c'est ça en fait. C'était pour pouvoir. Et puis, alors, la douche a été sympathique. Oui, parce que du coup, on a une salle de bain dans notre suite quand même. Non, mais ça fait tellement du bien là, d'avoir été sous la chaleur toute la journée. Enfin, c'est-à-dire, on a été. Faut qu'on raconte aussi. Quand on a attendu, il y avait donc un grand bâtiment de salle d'attente qui était. Loin des quais. Bah, c'est-à-dire que c'est à l'entrée du port, donc de là où on venait le matin, et en effet, il faut bien 10 minutes pour y aller à pied. Enfin, c'est pas loin, mais à l'échelle du port, c'est loin, quoi. Ouais, bah c'est 2 Français qui étaient là depuis 2 jours, en fait, ils y ont dormi et tout ça, donc ils nous ont montré où c'était. Donc on s'y est posé, c'est vrai qu'il y avait la clim, il faisait frais, il y avait de l'eau fraîche, donc. Des toilettes. C'était plutôt confortable, quoi. Puis je me dis, en effet, si tu dois y dormir, c'est quand même plutôt cool, quoi. Y a pas de lit, mais tu peux t'allonger sur les bancs, quoi. Mais quand on est reparti, parce qu'on s'est dit, bon, bah, il est peut-être temps d'aller voir Sachant que rien n'est affiché, donc on sait jamais trop quand le bateau va partir. Et clairement, il aurait pu partir sans nous, parce que même là, c'était un peu un concours de circonstances qu'on croise, pas que quelqu'un pose la question et que les maîtres disent « Ah oui, bah maintenant, c'est... oui, vous pouvez y aller, quoi. » C'est un peu... bon. C'est ça. Mais on s'est fait rattraper par un militaire qui en fait, nous ne voulait pas qu'on aille au bateau, quoi. C'est-à-dire qu'il voulait qu'on reste dans la salle d'attente et qu'on... Je sais pas, qu'est-ce qu'on a... devait attendre. On lui a dit qu'on voulait aller au petit café où on avait déjeuné. Il nous a dit « Non, vous n'avez pas le droit d'y aller, vous devez rester dans la salle d'attente. » Et il fallait qu'on lui montre nos passeports et notre ticket quand même pour qu'il accepte. Mais oui, mais non, mais c'est quoi, c'était ça, absurde. C'est tellement absurde, quoi. Enfin, après, il nous a dit nice to meet you et il était content, il nous a souri, puis voilà. J'avais voilà. Lu en effet qu'il y avait des gardes à l'entrée du port qui parfois étaient plutôt réticents à laisser rentrer les voyageurs et qu'il fallait un peu leur prouver qu'on avait l'information que le bateau allait partir. Sinon, ils laissaient pas passer, peut-être pour éviter justement que tout le monde campe dans le port, enfin je sais pas trop, on saura jamais, mais bon, c'était, on s'est dit en fait on y retourne jamais à la salle d'attente parce qu'on va pas pouvoir repartir, et en fait on n'a pas tellement eu le temps parce que de toute façon on a embarqué assez rapidement. On a eu le temps de reboire une petite compote au café. Ah, c'est bon la compote, ça c'est espèce de jus de fruits une sorte de grenadine, mais... Puis pas du tout sucré, avec vraiment que des fruits. Avec des fruits, ouais. C'est pas chimique, quoi. C'est... Je pense que c'est un peu une eau infusée. Il y avait une petite partie mixée et... Ouais, c'est possible. Oh, c'était tellement agréable. Ouais, on a bien kiffé. Et donc, voilà, on est là. On sait pas quand est-ce qu'il va partir. On sait pas combien de temps il va mettre. Mais nous, on est tranquille. Ah oh, ouais. Voilà, on va aller faire le petit dodo, là. Yes. J'avais un fun fact à rajouter dont on n'a pas parlé, je crois, en Géorgie. C'était l'histoire des tuyaux extérieurs d'alimentation en eau. Bah, on ne sait pas trop si c'est ça. Ou en gaz. Les trucs jaunes, là ? Jaune, rouge, selon les... Bah, c'était relié à des compteurs, d'eau. Hein, donc, on a voyagé avec un plombier, donc on sait. Voilà, le réseau d'eau et des fois de gaz, a priori. Est complètement extérieur. Et ça fait un peu comme des cages de foot. Ça fait des carrés comme ça qui remontent, qui redescendent. Il n'y a pas les filets. Non mais... Avec des piliers du coup. Enfin, c'est vrai que c'est assez bizarre. Et pas très joli visuellement dans le paysage d'ailleurs. Non mais ils vont mais en pratique. Non mais au-delà de ça, c'est juste qu'on se disait... Bon, on a vérifié, les Géorgiens ont un taux d'accident mortel un peu plus élevé que nous, mais pas non plus de façon démesurée, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit leur conduite, parce que vraiment, on a cru quand même qu'on... Alors que nous, on allait mourir, non, mais que certains allaient mourir quand même plusieurs fois, parce que c'est vrai que les lignes blanches, ils connaissent pas trop... Ils font trois fils avec deux fils, enfin assez facilement. Bah, ils attendent de pas avoir de visibilité pour doubler. Bon, c'était assez étonnant. Ce qui était dit dans les guides n'était pas faux. Hein. C'est vraiment une conduite un peu sportive, mais ce qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Et bon, tout ça pour dire qu'il suffit d'avoir un accident et de rentrer dans une canalisation de gaz externe et ça peut être un peu dangereux, quoi. Donc, c'est ça, assez étonnant. Mm. Voilà. Ça, c'est complètement hors contexte. Complètement. Il n'y a vraiment rien en rapport. Parce que moi, je croyais que tu allais parler du fait que les robinets étaient très très souvent inversés depuis qu'on est parti en voyage. Et encore là, dans la douche et dans le lavabo. Oui. Mais ça, tu le retrouves en France hein, aussi. Ah, pas très souvent, hein. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire ? Non, mais je vais dormir. Je suis fatigué. À l'auberge jeunesse où on était, on n'a pas raconté. Qu'à 1h30 du matin, ils avaient allumé les lumières en grand dans notre chambre. Putain. Parce qu'il y avait des nouveaux voyageurs qui arrivaient et ils ont trouvé ça cool d'allumer la lumière. Ouais, c'était sympathique. Donc ça nous a réveillé un peu en sursaut. Moi j'ai cru qu'il se passait un truc, enfin je sais pas. J'imaginais des trucs, genre il y avait une descente de police. Mais heureusement que je dormais pas avec mes boulecasts parce que je pense que j'aurais complètement paniqué. C'était un gros bordel qu'il y avait, quoi. Voilà. On est le 20 août 2019. On est encore dans le bateau. Oui, pendant un petit moment encore. Il doit être 8h30. Ah. 8h32, dis donc. Ouh, il a une montre dans la tête, ce petit. Oui, à défaut d'avoir un compas dans l'œil. Et on vient de petit déjeuner. J'ai utilisé une confiture dans une petite barquette en plastique. Parce que bon... C'est mal. Je vais me justifier. Non, il n'y a pas de justification possible. Lui, il dit juste que c'est parce qu'il a besoin de se nourrir, mais c'est vrai que la confiture, ça nourrit vachement. Oui, ça apporte du sucre au cerveau. Donc oui, le petit déjeuner, c'est un petit déjeuner assez simple, mais qui cale, quoi. Avec deux œufs, du pain, il y avait du beurre et de la confiture. Et du fromage ? Et du fromage, bien sûr. Pas oublier le fromage. Et du thé. Ça... Ah, le thé. Donc, pas de café, hein. Désolé pour ceux qui boivent que du café. Il fait toujours terriblement chaud dans la salle à manger, quoi. Bah, en même temps, c'est juste derrière la cuisine, donc... Ils sont déjà en train de préparer le déjeuner. Ouais. Donc ça chauffe déjà. Et il y a plein de fenêtres, mais que tu peux pas ouvrir. Bref, moi, ce matin, je me suis réveillé et je croyais qu'on était encore au port. Parce que tellement c'est calme, ça bouge pas. Et tu t'es pas rendu compte que ça faisait déjà 3 heures qu'on était parti, enfin, ou 4 heures qu'on était parti? Parce que l'heure estimée de départ est de 3 heures du matin à peu près. Oui, alors moi j'avais estimé à peu près ça parce que je me suis levée entre minuit et 1h, il n'était pas parti. Et à 4 heures du matin, il était parti. Donc, c'était au milieu. Et des gens nous ont confirmé qu'après aussi, c'était entre 2-3 heures. Moi j'ai senti c'est ça qui m'a un peu réveillée vers 4 heures du matin. C'est le ronronnement du moteur ou je sais pas trop quoi sous ma couchette. Et le fait que quand je me suis levée pour aller faire pipi, je tanguais un peu. Alors même si c'est très calme, ça n'empêche que quand on vient de se réveiller et que le sol n'est pas vraiment parfaitement stable, ça faisait un peu bizarre. Moi je tanguais déjà avant. Mais oui, on avance à quoi? 20 km/h. On a fait 70 km depuis qu'on est parti. Ah ouais, à peu près. À peine, ouais. On n'est pas arrivé, on a encore une deuxième nuit ici je pense. À mon avis, oui. Nous, ça nous va. On est bien, là. Ouais. Oh, franchement, c'est hyper confortable. On a un lit, on a une salle de bain, on a du courant. On a du thé. Enfin, on mange à notre faim. Jusqu'à maintenant. Ah oui, non, c'est... Même si, en effet, c'est pas du 3 étoiles, mais bon, voilà. Et ça pourrait durer 3 jours, ça me dérangerait pas. C'est clair. On n'est pas pressé, en plus, donc ça va. On verra si dans le train, après... Pour traverser le Kazakhstan, 60 heures de train, ce sera la même chose. Oui. On a quand même hâte ou pas de passer 60 heures dans un train? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était les voyages qu'on aimait plus que les visites, non? Donc, mettez-nous dans un train pendant 60 heures, on est content. Si le paysage sont jolis, c'est mieux. Oui, mais je pense que ça va être sympa. Ah bah oui, oui. En tout cas, ce sera des paysans. De toute façon, il faudra y aller. Au bout du... Kazakhstan. On n'a pas trop le choix. Mais ouais, on va voir ça. Bah, sûrement qu'on va prendre un peu les mêmes transports que certains qui sont avec nous dans le bateau. Oui. On a tous à peu près le même objectif. Oui, oui, on fait tous plus ou moins. Enfin, en gros, quasiment tout le monde va passer par le Kyrgyzstan, j'ai l'impression. Mmh. Ou pas loin en tout cas. Donc oui, après, il y en a qui sont à vélo, il y en a qui sont à moto. À moto, voilà. Stop. Je sais pas si on va rester avec eux, enfin on risque de se recroiser, mais on va pas rester en groupe, je pense pas. Peut-être l'anglais, lui, va prendre le train, en tout cas. Oui, lui, c'est sûr. Bah, déjà, en arrivant, il faut qu'on aille s'enregistrer. Acte à où? Pour pas être jeté dehors. Apparemment, il y en a certains qui donnent 2 tampons. En fait, il faudra vérifier le nombre de tampons qu'il y a sur notre passeport. Si t'as qu'un seul tampon, il faut y être enregistré. Mmh. Si t'as 2 tampons, t'as pas besoin de t'enregistrer, ça veut dire qu'ils l'ont déjà fait pour toi. Non, apparemment. Parce que quand tu arrives en avion, c'est 2 tampons. Parce que le bureau de l'immigration est juste à côté. Enfin, en fait, c'est collé. Et en bateau, le Nick Planet avait l'air de dire que c'était un peu aléatoire, quoi, en fonction des voyageurs. Donc, on verra. Bon, déjà, c'est clairement pas un moyen de transport qui conseille le Nick Planet. Parce qu'ils disent que c'est irrégulier. C'est bizarre. C'est très bizarre, quand même, non? Je crois qu'on n'a pas parlé hier des gens qui sont arrêtés pour nous proposer de nous prendre en voiture, ah en camion. Ah non, c'était encore trop gentil. Non mais vraiment, les gens sont gentils. Hein. Parce que quand on est arrivé au port, enfin du moins, que le bus nous a déposé au bord de l'autoroute et que... À la sortie d'autoroute. Et que j'avais deux moyens, soit on traversait l'autoroute, soit on passait par la sortie des voitures. Si t'étais vraiment intégré dans le pays, t'aurais traversé. Les gens, ils traversent, c'est des fous. Ouais, hein. Mais pas avec 15 kilos sur le dos et voilà, en courant. Non, je suis pas... Ah, tu les voyais pas arriver de super loin, les bagnoles, et bon... Non, c'était trop dangereux. Mais du coup, il y a un poids lourd qui s'est arrêté, il voulait nous prendre en stop, quoi. Et du coup, je lui ai fait comprendre qu'on allait au port, et du coup, il est reparti, c'était trop gentil. Et puis après, il y a un monsieur en voiture aussi qui nous a rapprochés, on a économisé, quoi, un quart d'heure à pied. Je sais pas ce qu'il faisait là, d'ailleurs, parce que c'est un sens... C'est un sens unique, enfin... Bah, oui, tu peux pas aller plus loin que le port. Ouais, je sais pas. Bah, peut-être qu'il retournait après vers les hôtels et tout ça, quoi, de l'autre côté de la route. Bref. C'est rigolo parce que quand tu lui as demandé si c'était gratuit, il a dit que c'était toujours gratuit avec lui. Et après, il a dit je suis musulman. Ouais. Oui, parce que on s'est fait avoir une fois sur le. Parce sur que là, le... j'ai pas pris le risque. Quand le mec s'est arrêté pour nous proposer de monter, moi, j'ai pas pris la décision toute seule de monter dans la voiture. Hein, parce que c'est toi qui sent pas et tout ça. La première fois, t'avais pas senti, je l'avais fait. Du coup, c'était pas une bonne idée. La deuxième fois, tu l'avais senti, donc on l'avait fait. Donc là, j'ai dit, ok, très bien, tu te débrouilles, tu sens tout seul. Et il savait pas. Hein ? Tu savais pas. Non, mais c'est pas ça. C'est que la première fois, j'étais sûr que le gars, il allait nous demander de la tuer. J'avais confiance en l'espèce humaine. Et ben ouais. Non, du coup. Alors que les deux autres, j'avais un peu plus confiance. Bon, j'ai quand même demandé, je dis bon bah tu vois, c'est pas. Puisqu'on était vraiment pas loin, donc c'est vrai qu'on n'aurait pas payé pour. Même si on était en plein cagnard depuis un petit moment, mais puis, on était en train de. Puis même, enfin après, dans le concept de prendre des gens en stop qu'ils le demandent ou pas, ça me viendrait jamais à l'esprit de demander de l'argent. Nous ? Oui, enfin tu vois, si non, mais bon, a priori, il y a des gens qui le font, donc je sais pas. Qui nous a avancé, on a gagné un peu de. Donc nos récits sont un petit peu. En vrac, on dirait un peu un film de Tarantino. Nous sommes allés dîner et ils nous avaient préparé une petite assiette végétarienne parce qu'ils ont vu hier qu'on avait pris que des pâtes sans le poulet, je sais plus ce qu'il y avait. Ah, avec. C'était le poulet, ouais. Est-ce que c'est pas trop mignon ? C'était trop mignon. Et il s'est excusé parce que dans l'espèce de soupe de lentilles, il y avait des petits morceaux de viande, enfin, c'était cuit avec de la viande et tout ça. Vraiment trop adorable. Et après, il nous a apporté une petite prune. Oui. Chacun. On avait l'air d'être tellement privilégiés. C'était trop chouette. Moi, ce mignon, on a mangé du poulet parce qu'il n'était pas là et que les assiettes étaient déjà finies. Enfin, étaient déjà préparées. Et on a comme politique de pas jeter la nourriture. Enfin, autant qu'on commande pas de la viande, autant si elle est dans notre assiette, on va pas l'acheter. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, pour nous. Donc, du coup, on a mangé du poulet. Mais là, c'était chouette. En plus, c'était hyper bien cuisiné. Bon. Mais même ce midi, le poulet était quand même bon. Enfin, pour un truc où ils font de la bouffe pour plein de personnes, le riz était hyper bien cuisiné. Les soupes depuis hier sont très très bonnes. Franchement, moi, je trouve ça vraiment bon. C'est pas juste. C'est pas simple, quoi. Surtout que tu disais avoir vu des avis comme quoi la bouffe était dégueulasse. J'avais lu pas mal de trucs qui disaient la bouffe est assez simple et pas très bonne. Donc, prévoyez des trucs à manger au cas où. Enfin. Et en fait, c'est très bon. Enfin, il n'y a rien à dire, en fait. Alors oui, ce qui aurait été bien, c'est qu'on prévoie de la bouffe un petit peu, parce qu'en revanche, là, cet après-midi, on avait un peu faim, à 4 heures. Oui, alors c'est sûr que ce n'est pas des portions énormes, mais ça te cale quand même. Parce qu'on avait mangé, on avait déjeuné assez tôt, donc... Mais ça va, le dîner était plutôt qu'hier, donc on n'a pas trop attendu. On a quand même pas mal de repas, au final. C'est très bien. On sait pas trop ce qui va se passer là, parce qu'apparemment on devrait arriver au port à 2h du matin. Oui. C'est quoi déjà le nom du port ? Curic. Curic. Mais on sait pas trop si on va devoir tous débarquer. Certains ont entendu qu'on pouvait rester dormir la nuit. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il risque d'y avoir un contrôle d'identité à 2h du matin, dans tous les cas. Donc. On va être réveillés. Ouais. Je pense qu'on va préparer nos affaires. Oui, c'est ça. Pour être prêt à partir. Juste à s'habiller et puis voilà. Puis on verra si on dort au port et puis après on trouve peut-être qu'il y a des petits bus qui font la liaison avec la ville parce qu'on est quand même à 20 bornes. Je crois que c'est. Il n'y a pas de bus, je crois que c'est des taxis. On a un taxi. Donc il faudra qu'on partage avec. On pourra partager. Ouais. Avec d'autres gens, on est nombreux quand même en touriste. Donc on va s'en sortir. Yes. On a eu un joli coucher de soleil. J'ai essayé de prendre quelques petites photos. Enfin, le bateau est chouette, enfin, hyper confortable au final. Enfin, tu vois, c'est sûr qu'il est pas tout récent et tout, mais pour moi, c'était une bonne expérience. Moi aussi. Je me demande à quel point ça pollue, parce que ça quand même ça émane pas mal de fuel. Vous sachant que le bateau a tourné, je pense, de 16h hier à ce qu'on parte, enfin à 3h du matin non-stop, pour rien, il était à quai. En fait, pas pour rien, mais pour pas avancer, je veux dire. C'était pour tout ce qui est électricité, tout ça, mais c'est vrai que ça fait un peu mal, quoi. Et puis on sent que la fumée qui s'échappe des cheminées, c'est pas de la cheminée de rose, quoi. Enfin bon, sinon on aurait dû tout contourner. Je suis pas sûre qu'on aurait beaucoup moins pollué en prenant potentiellement des bus. Enfin, sur une plus grande distance. Oui. Parce qu'on aurait peut-être pas pu tout faire en train. Tu vois, c'est très difficile d'évaluer. Surtout que les trains sont des fois électriques, mais la plupart du temps au diesel, je pense. Ce genre de choses. Oui, donc ça pollue quand même. Oui, peut-être moins en termes de consommation qu'un bateau, qu'un énorme bateau comme ça. Mais ça pollue par les mêmes énergies, je suppose. Enfin, en plus. Donc, c'est juste que ça peut transporter quand même beaucoup, beaucoup de passagers. Bah, tout comme un avion. Donc, c'est pas facile. Je pense qu'il n'y a pas encore de bon calcul qui est fait pour pouvoir évaluer sur une certaine distance entre l'avion et le train. Si, je pense que ça existe. Il faudrait juste se renseigner un peu. C'est un peu contradictoire. Enfin, tu sais, ça peut aller du simple au double. Oui, parfois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes informations. Ouais. En tout cas, c'était chouette de faire ça. Ouais. De pas avoir choisi la facilité. Enfin. Ouais. Non, c'est sûr, ça rajoutait un petit peu de contrainte. Même si nous, on a eu de la chance parce qu'au final, on a eu notre bateau assez vite et de façon relativement facile. Enfin, on va pas se plaindre. Oui, clairement. Mais c'est vrai que ça rajoutait un tout petit peu d'incertitude, en tout cas. Oui. Et puis voilà, c'est voyager différemment, quoi. Tu rencontres là pour vous facilement plein d'autres gens, de locaux. Bon, là c'est beaucoup de routiers, je pense, entre Azeri et Kazakh, à mon avis. Qui sont pas très souriants quand on les croise dans les couloirs, quand même. Hein. Oui, non, j'ai essayé, moi aussi. Mais... Je crois que j'aurais pu rencontrer l'homme de ma vie tout à l'heure. Ouais. Parce qu'on n'a pas raconté. Si t'avais pas été mariée. Oui. Du coup, t'as dessiné hier, c'est ça? Ou ce matin? Oui, c'était hier soir, je dessinais, et puis y en a un qui m'a repéré, m'a regardé un peu avec des yeux étonnés, et puis ce matin, il voulait que je le dessine. Avec moi à côté. Mais en photo de couple, devant la mer quand même. Mais surtout que je pensais que c'était pour lui après, puis en fait, non, il s'en foutait, c'était juste pour moi, pour alimenter mon petit carnet, pour que je me souvienne de lui. Quoi. Voilà. Et son copain, il prenait des photos de nous. Ah oui, c'est... Mais oui, et il m'a fait un bisou sur la joue et il m'a demandé si on était ensemble ou pas. Donc heureusement que je lui ai montré ma bague et que c'était assez clair, parce que je pense que, sachant que tu disais qu'il y avait une des touristes avec qui on est, enfin qui une cycliste belge, un routier lui avait proposé de venir dans sa cabine. Donc ouais, peut être des fois un peu oppressant pour les femmes qui voyagent seules ou même à deux ou à trois. Enfin, ça peut être un peu lourd. De temps en temps, mais pas plus qu'en France deux fois. Enfin, non, c'est juste que je me suis jamais retrouvée dans ce genre de situation, tu vois, dans un bateau rempli de routiers. On avait l'impression hier qu'ils étaient un peu alcoolisés aussi, parce que je pense qu'ils doivent un peu se détendre, quoi. 21 août 2019. Il est soit 5h35, soit 6h35. Ouais, on n'est pas sûr à 100%. Ton téléphone dit 6h35, mais a priori, il n'y a qu'une heure de décalage dans l'ouest du Kazakhstan. Là, il s'est penché sur l'est du Kazakhstan. Mais peut-être que depuis peu, ils ont unifié leur heure, mais c'est tellement grand que ça m'étonnerait. On est levé depuis 2h. Non, 2h30, puisque c'était... Non. Ouais. Longtemps, quoi. Il y a 2h. Et on attend nos passeports. On nous a fouillé nos affaires. Voilà, bah, on sait pas quand est-ce qu'on va débarquer. Il fait encore nuit. On adore les réveils comme ça, en pleine nuit. Pour attendre. Commence à faire chaud, non? Vincent a chaud tout le temps. J'entends pas chaud. Non, ça va, non. Alors, on a eu une petite info comme quoi le taxi pour aller à Aktau. Parce qu'on est à 45 km, c'est vrai. Le guide dit 20$. Et a priori, c'est le prix occidental. Pour les locaux, c'est plus 4-5$. Donc, on va voir si on prend un taxi. Si on fait du stop, peut-être. C'est assez nouveau pour moi de faire du stop quand même. Bien sûr, de vraiment faire du stop, parce que jusqu'à maintenant on s'est fait prendre 3 fois par des gens, mais c'était pas vraiment du stop. Okay. Et sur des petites distances. Du coup, là, je sais pas trop. On va bien voir. Ouais. Ils font tous ça autour de nous, apparemment. Donc, ouais. En direction de la gare de Mangitao. Un gentil monsieur nous a accompagnés jusqu'au bus, alors qu'on galérait à trouver un bus et on était prêt à prendre un taxi. Pas même un taxi, personne ne voulait nous prendre. Donc, oui. On essayait de faire du stop, personne ne voulait nous prendre. Et d'abord, c'est un petit gamin qui nous a demandé si on était américain. Trop mignon. Et ensuite, il est venu chercher, je sais pas qui c'était du coup. Aman, en tout cas, il s'appelle. Et il nous a conduits, donc très gentil, enfin, adorable. Et on est arrivé, le bus arrivé, c'était tombé parfaitement. Mis à part le fait qu'on était 850 dans ce bus et qu'il y a 200 places, je pense, et qu'il fait 45 degrés à peu près. 200 places en termes de proportion. On était 800. Il y a pour 20 places. Et les gens sont adorables, ils voulaient. Ça n'arrête pas de vouloir nous laisser la place. On s'est fait photographier. Ouais. Sans vraiment nous demander notre avis d'ailleurs. Mais... C'est ouais. Pas la première fois, on s'est fait photographier aussi sur le bateau ce matin en sortant. Oui, c'est vrai. Bah, si on nous a demandé notre avis. Là, oui, ce matin, oui. Ah ouais. Ouais, je sais pas, je trouve ça mignon. Oh, non, ça ne dérange pas. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils te disent partout sur les guides et tout ça qu'il faut jamais faire ça avec les locaux. Mais c'est différent. Enfin, tu vois, c'est pas comme si. Nous on est arrivé chez eux, on les prend en photo, que eux ils sont un peu fêlés, ils nous prennent en photo. Bah oui, mais nous c'est pas forcément fait méchamment non plus. Non, bien sûr. Non, on est d'accord. Mais je pense que là il y avait la dame, elle nous a regardé, elle nous a fait un sourire, tu vois. Ah, mais moi ça me pose aucun problème, c'est juste. Son téléphone. Donc, non, ça m'a fait plaisir. T'aimes bien être sur les photos des gens. Oui, bon. J'ai pas à cacher que je suis au Kazakhstan, quoi. Non, moi non plus. Tout le monde le sait, on a un tracker GPS qui nous géolocalise, donc clairement. Et bah là, je pense qu'on s'est pas senti aussi dépaysé depuis qu'on est parti. Toi, t'es un petit peu en Turquie à un moment donné, mais. Oui, encore, pas trop. Parce que là, tout est différent, quoi. l'architecture, la nature, les gens. Enfin, là, on sent vraiment qu'on est à l'est, quand même. Ouais. Les bus. Ouais, avant ça, à la limite, en Bulgarie, c'était pas beaucoup mieux. Hein. Là, c'était comme des petits bus de ville. Au moins, ça fait pour être debout, à la fois assis et debout. Est-ce qu'on va entendre l'embrayage qui... On sait pas, à chaque fois qu'on redémarre, on sait pas si on va redémarrer. Les gens ont l'air confiants. Hein. Il a réussi à passer sa vitesse. Nous allons vous raconter la sortie du bateau. Après avoir attendu... 3 heures ? Presque ? Non ? Pas loin. Hein. Sans trop savoir ce qu'on allait faire de nous d'ailleurs, hein, parce que c'était un peu... personne nous donnait d'informations. Enfin, même les locaux, enfin, ceux qui parlaient du coup kazakh et tout, avaient pas l'air de tellement savoir comment... ça se passait. Bon, après il y avait les membres de l'équipage avec nous, donc je pense qu'ils savaient un petit peu comment ça allait se passer. J'avais peu de chance. Notre compote arrive. Ça se passe bon. Tu sais. You want something? You want? No? No? You want some compote? Okay. Yeah? Okay. Parce que là on a 2 litres de compote. C'est une différence de ce matin. Ouais, je pense que celle-là, elle va être meilleure. Alors, revenons à nos moutons. Les douaniers sont finalement arrivés pour contrôler nos sacs, nous ont fouillé nous sacs. Ils ont donné le petit papier à remplir, la carte d'immigration. Et pour contrôler nos sacs, ouais. Bon, ils ont vu qu'on avait du bicarbonate. Ils ont pas trop tiqué, enfin ça l'a pas... On lui a dit que c'était pour notre déodorant. Il était un peu sceptique, mais ça allait. C'est passé crème. Il y aurait eu de la coke. On aurait pu faire notre petit trafic au Kazakhstan tranquille. Arrête de vouloir donner des idées comme ça aux gens. On va faire du trafic de bicarbonate. Et puis, il y avait 2 messieurs dans une salle qui... Ils ont appelé les Français. Ah oui. Au bout d'un moment, ils ont appelé les Français. Ouais. Donc tous les Français se sont levés. Sont précipités. Donc là, oui, il y avait 2 douaniers, enfin 2 membres de la police du contrôle des frontières. Enfin, je sais pas trop. Oui. Moi, je dis douanier à chaque fois. Moi, je sais pas si c'est la bonne appellation. Non, apparemment, c'est pas la même chose. Donc, faut pas qu'on mélange. Voilà. Bon. Et que tu seras sympathique. Quels étaient les plus sympathiques de ceux qu'on a croisés jusqu'à maintenant ? Et pour dire, ils avaient mis exprès de la musique française pour nous accueillir. Quoi. C'était vraiment très drôle. Ouais. Il te dit bonjour quand t'es arrivé. Il sourit. Ouais. Non, c'était adorable. Puis, je sais pas, j'aime bien quand les gens disent bienvenue au Kazakhstan, en l'occurrence, quand ils disent bienvenue dans leur pays, c'est toujours agréable. Oui, tout à fait. Même si après t'as pas eu un échange foufou, mais. Non, mais ça montre que ils sont contents d'avoir des touristes, quoi. Donc ensuite, on est sorti du bateau. Donc on avait récupéré nos passeports. Le Graal. Oui. On est sorti du bateau. On nous a fait attendre pour prendre un petit minibus pour nous emmener jusqu'à l'entrée du port. Bon, en vrai, il y avait 200 mètres, hein, donc on aurait pu le faire à pied. Mais on n'avait pas le choix, il nous a pas laissé le choix. Et là, on nous a fait rentrer et on a dit d'attendre. Parce qu'on ça fait longtemps qu'on n'avait pas attendu un peu. Du coup, on a attendu, je sais pas très longtemps, une petite demi-heure. Ouais. Un truc comme ça. Mais ça va, il y avait une cafétéria d'ouverte, donc on a pu aller acheter de quoi se sustenter. Parce qu'on avait faim quand même. Et on est passé au Rayon X. Oui. Très gentil aussi. C'était juste pour ça qu'on nous a pas sentés d'ailleurs. Oui. La personne qui faisait les contrôles nous a demandé d'où on venait. Il nous a parlé de Paris, il a fait un grand sourire, parce que voilà, Paris, Paris. Et puis ben, ensuite, on... Ah non, mais là, c'est pas ça, c'est quand on a pris le petit bus. Entre, du coup, le bateau. Ah. C'est pareil. Ah bah ton riz, il est avec de la viande. C'est pas si bon. Oui, on était avec un Kazakh et un Tadjik qui parlaient du coup avec le chauffeur et qui nous ont dit vous patientez là et ensuite il revient nous chercher pour nous amener jusqu'au petit village d'à côté, Curic, parce que en fait on était au bout du monde quoi, le port est vraiment genre très très loin. Et en fait quand on est ressorti, bah, on n'a pas trop bien compris ce qui se passait. On s'est encore fait contrôler. Oui, on nous a emmené dans un autre endroit, ils nous ont vérifié nos passeports, une première fois quand on est rentré dans le bâtiment, une deuxième fois pour sortir du bâtiment. Et en fait, il y avait des taxis qui attendaient, et du coup, ils ont négocié pour tout le groupe, en gros, pour que ça nous coûte pas trop cher. Donc on s'est retrouvés en voiture avec un Kazakh. Ah oui, ben, le chauffeur est un Kazakh assez jovial. Un petit nounours. Bien portant. Ouais, c'était rigolo. Et du coup, deux Russes qui faisaient la traversée avec nous et qu'on avait croisé sur le bateau, mais qui on n'avait pas trop parlé. Qui d'ailleurs, elle parlait français. Enfin, elle nous a sorti des phrases en français, donc elle devait parler français. Ils nous ont emmenés jusque dans la ville, à Aktau. Sur le chemin, on a croisé des chevaux en liberté. Enfin, d'abord, on a fait écraser un chien. Ensuite, il y avait un homme tout seul au milieu de la rue, enfin de la route. Il n'y avait rien autour. Il y avait un mec qui marchait sur la route. On a croisé des chevaux en liberté, un peu au milieu du chemin. Des dromadaires. Des dromadaires, oui. Le chauffeur des pipelines. Ah oui. Le chauffeur s'est arrêté à la station-service pour acheter une boisson. On ne sait pas trop si elle était alcoolisée ou pas alcoolisée. Non, elle n'était pas alcoolisée parce que ça, c'était une espèce de limonade. Ça avait marqué cocktail dessus, donc du coup, je me posais la question. C'est pour ça. Ah oui. C'était peut-être un truc qui ressemblait à un cocktail. Enfin, c'était plus un truc énergisant. Ça avait un peu l'odeur, genre de Red Bull, un truc comme ça. Qu'il a jeté par la fenêtre quand il avait fini. Voilà. On a écrasé un oiseau. Il s'est jeté sur le pare-brise. C'est pas vraiment nous, mais... Pour le coup, c'était très très dépaysant, quoi, de se retrouver dans la steppe kazakh, avec des chevaux partout, des petits cimetières, très jolis d'ailleurs, au milieu de nulle part. Et voilà, on s'est retrouvés au milieu d'Aktao, retrouvés par l'autre voiture qui était derrière nous, de Français, les quatre Français. Et on s'est dirigé pour essayer de trouver un café avec un wifi et de quoi manger dans le centre-ville. Tant bien que pas, on a trouvé un café, soi-disant avec un wifi. Il y avait bien un wifi, mais le mot de passe qu'elle nous a donné ne fonctionnait pas. Et on avait beau lui dire que ça ne fonctionnait pas, on disait que c'était sûr. Donc on n'a pas pu trop planifier, on est resté un petit moment quand même. On a essayé d'aller changer de l'argent azéri contre kazakh. Et ben personne ne prend la monnaie azérie. Je voudrais pas dire à Vincent que je lui avais bien dit, mais bon, je lui dis quand même, parce que j'avais lu qu'en effet, à part changer avec l'argent auprès de routiers, c'était pas possible de changer en ville. Mais bon. Bref, t'es pas obligé de faire des scènes comme ça dans le podcast. Des scènes. Bon, donc au bout d'un moment, on s'est dit faut y aller, se diriger vers la gare. Et c'est là où on a galéré un petit peu, pas tant que ça, mais trouver un bus, c'était oui, jamais le bon. C'est quand même loin, hein. C'est à plus de 12 km, donc clairement on n'y serait pas allé à pied parce qu'il fait à peu près 50 degrés. C'était 4 heures de marche. Et on voulait éviter de prendre un taxi, bah, parce que déjà a priori les taxis, tout le monde est un peu taxi, sans personne n'est un taxi, donc bon, ils ne conseillent pas trop de le faire. Quand tu fais signe à un vrai taxi, il ne s'arrête pas. Voilà. Alors moi j'ai plein de gens qui s'arrêtent sur le bord de la route pour prendre, mais nous quand on a voulu le faire, personne s'est arrêté, donc on sait pas trop ce qui s'est passé. Et les bus qui passaient devant nous n'étaient pas ceux qui allaient à la destination qu'on voulait aller. Et bon, la suite de l'histoire vous la connaissez, puisqu'on a raconté ça dans le petit bus. On est arrivé à la gare de Manjista. Oui. Un truc comme ça. On a voulu aller prendre un billet, et ils nous ont dit qu'il n'y avait plus de billets. Et on a croisé qui dans la file d'attente? Le Kazakh avec qui on avait pris le bateau. Donc heureusement, il a un peu parlé avec la dame qui nous a expliqué qu'en fait, il n'y avait plus de billets jusqu'au... Alors on ne sait pas quand, 1er septembre ou 4 septembre. Donc en fait, la technique, c'est de laisser son passeport au guichet. Et quand il y a des billets, parce qu'apparemment, il y a des gens qui achètent des billets, mais qui les rapportent, enfin, je ne sais pas trop comment ça se passe, ils achètent directement pour toi. Et donc... faut revenir toutes les 2 heures à peu près pour voir s'il y a un billet disponible. Donc, le Kazakh et le Tadjik, du coup, avec qui on était, ont eu leur billet. On donnait sur nos passeports et puis on verra bien. Parce qu'on aimerait bien pas rester 15 jours ici. Non, ce serait bien qu'on parte avant. Bon, après, on peut y croire vu qu'eux, ils sont arrivés il y a 2 heures et ils ont eu leur billet au final. Au pire, c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain, quoi. Mais... Oui. C'est juste que c'est confortable d'avoir quelqu'un qui peut parler, en fait, parce que... Même là, on est. Du coup, ils nous ont emmenés dans un restaurant pour patienter. Déjà, il y avait une porte fermée, blindée. Noire, sans fenêtre, au final. C'est pas vraiment une entrée de restaurant, quoi. C'était pas avenant. Et je pense qu'on aurait du mal à comprendre ce qu'il y a sur le menu. Donc, Mais ça dit, ça a l'air très très très bon. J'ai hâte de commencer à manger. Mais je crois qu'on peut y aller, d'ailleurs. On peut y aller, allez. Bon, bon appétit. On a pris 2 litres de compote. Oui, ça, on vous l'a dit. Et voilà. Il est donc 21h. Nous sommes partis à 20h50 pétante. C'est-à-dire que même en France, ça n'existe pas. Mais t'arrêtes cette négativité. Ah, je plaisante. Vous entendez ce doux bruit du train? C'est un train qui a, je sais pas, au moins 21 wagons. Ouais, mais alors on passe du 17 au 21 quasiment, enfin du 18 au 21. Donc il y a des wagons qui sont manquants. Ah, d'accord. J'ai l'impression. Enfin, ceci dit, c'est un très très long train parce que quand on l'a vu sur le quai, il allait très très loin. Et c'est un très vieux train. On bascule dans l'époque soviétique. Je dirais qu'il a au moins 30 ans, sinon 40 ans. Peut-être plus. Tu veux plus parler, tu parles plus. Je sais pas, j'ai pas d'avis. Il y a pas d'électricité à part la lumière. Et donc ça va nous obliger à économiser nos petites batteries et à faire autre chose que regarder des vidéos sur nos téléphones, sur notre ordinateur. Et il y a de l'eau chaude pour se faire du thé et de l'eau froide a priori de l'autre côté du wagon. Là on a une petite table parce qu'on a réussi à négocier pour être l'un au-dessus de l'autre au niveau des couchettes. Et c'est bien parce que je pensais qu'on serait un peu plus serrés les uns les autres avec les gens. Et en fin de compte, on a beaucoup de place. Ah, contrôle des tickets ? Non. En tout cas, les gens sont super gentils. Enfin, ils nous proposent de nous aider pour ranger nos affaires, tout ça. Encore une fois, on est plutôt contents. On a passé donc toute l'après-midi à Mangistau. Devant la gare, on a dormi dans le restaurant. Et j'ai passé une heure à faire la queue avec Altan. On a pu récupérer des billets, mais pas pour aller jusqu'à Turkestan. On s'arrête à... Je l'ai noté. Alors, c'est... Kizilorda. Et ensuite, on prendra un bus ou un train pour aller jusqu'à Turkestan. Enfin, une petite pause. Les contrôleurs nous apportent nos draps, je pense. Nous sommes en 3e classe, je crois. Et écoutez ce doux bruit du train. C'est le vrai bruit du train, tu vois ça. Ça doit être à peu près comme ça dans le transsibérien en 3e classe. Oui, pour avoir vu des photos, ça ressemble quoi. C'est-à-dire que c'est des mini compartiments, enfin pas fermés, de 4 couchettes. Et ensuite, dans le couloir, il y a des couchettes qui sont dans l'autre sens quoi. C'est optimisé. Ouais, ça va. Voilà, là, on s'est fait distribuer nos draps. On est parti pour une bonne trentaine d'heures, hein, je pense. On est censé arriver donc à 2h18 du matin. Pas demain, après-demain. Oui, parce qu'on s'était dit que le bateau, on n'avait pas trop profité du temps qui passe. Donc on allait réenchaîner tout de suite. Ça, c'est bien. Ça fait 4 jours qu'on attend, en fait. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'à force d'être statique comme ça, on a besoin de bouger. Et donc, on a quand même fortement remercié Altan. Bah, on ne serait pas là s'il n'avait pas, s'il n'avait pas été là. Ah bah non, clairement, bah on a expliqué pourquoi tout à l'heure, je crois. Et puis il a aidé aussi tous les autres, le couple de Belges qui étaient à vélo, qui voulaient aller en Ouzbékistan. Oui, parce que du coup, quand t'es retourné la deuxième fois pour récupérer le billet, il y avait... Bah t'as retrouvé tes copains, quoi. On a retrouvé les deux Français qui font du stop. Et puis après, quand je suis retourné... Donc, le couple de Belges et d'Anglais à vélo, ainsi que les Russes avec qui on a pris le taxi ce matin. La ville est petite quand même, mais c'est vrai qu'on... On est, à la base, on n'avait pas prévu de tous se retrouver au même endroit, je pense. Enfin, c'est un peu incroyable. Surtout que c'est à 14 km de la ville. Et on n'est pas du tout tous allés par le même moyen. Ils n'avaient pas l'intention de faire la même chose, les Français, puisqu'ils devaient, eux, faire du stop. Et quand ils ont abandonné, ils vont prendre un peu de train. C'est rigolo. Mais on a eu la chance de tomber sur Altan en premier, quoi. Enfin, que ce soit lui qu'on rencontre en premier dans le process. Ah bah oui, parce que vraiment, on serait pas resté et on aurait cherché autrement pour partir, quoi. Et c'est pas si facile, je pense, parce qu'on est vraiment quand même très très loin de notre destination. Donc on va voir, peut-être qu'on va rester deux nuits après à Turkestan. Parce que je pense qu'on aura besoin d'un peu d'un vrai lit entre guillemets, même si c'était très confortable le bateau. Je pense que là ça va être confortable aussi. Mais ouais, question de juste prendre une douche déjà. Ça va faire de bien. Parce que là on est parti pour se laver dans notre sueur pendant 30 heures. Sachant qu'on a bien transpiré dans le bus tout à l'heure et qu'entre temps on n'a pas pris de douche, hein, comme je vous rappelle. Petite pensée à ceux qui savent. Il y en a qui doivent sentir les odeurs. Même à distance. Voilà. Non mais moi je trouve ça assez cool en vrai. Enfin, je suis hyper content d'être dans ce train. Ouais, moi aussi. Dès la traversée en bateau, je trouvais ça assez cool parce qu'il y avait une bonne ambiance. Enfin, je veux dire, entre les Français et puis les Kazakhs, les Tadjiks qu'on a rencontrés, qui nous ont aidés après, c'est vrai. Se retrouver là. Avec que des locaux des visages un peu de temps en temps. mais qui sont les enfants. Oui. C'est rigolo, on se fait beaucoup regarder par les enfants parce que je pense que ça les intrigue encore plus. Mais oui, on a essayé d'inviter du coup le Kazakh, enfin Altan et Mourad du coup à dîner. Bon, bien sûr on s'est fait envoyer battre parce qu'ils disent que c'est à eux de nous inviter déjà parce qu'on est au Kazakhstan et qu'ils adorent aider les gens et que du coup c'est normal et voilà, donc on se sent à la fois très privilégié et en même temps parfois un peu gêné quand même, c'est toujours un peu bizarre ce truc Ouais, bah, on a vraiment envie de les remercier matériellement voilà. Non mais puis on fait un bon repas quoi, parce qu'on a très bien mangé. Oh là là, c'était super bon dans ce petit resto qui était en catimini. Faut quand même le dire, c'est que du coup on a mangé de la viande parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment de choix, hein. Il n'y avait rien d'autre, enfin, il n'y avait rien de végétarien. Même la soupe de lentilles, il y avait du poulet dedans. Même le riz pilaf, il y avait de la viande dedans. Voilà, donc de toute façon on n'avait pas tellement de choix, il fallait qu'on mange. Hein, donc. Mais c'était divin, ce midi on a mangé pour 5 euros. On s'est pété le bide, et c'était divin. Enfin, c'est vraiment très très bon, très bien cuisiné, très bien assaisonné. Et là, on a goûté les espèces de petits... comment on appelle ça déjà ? Les kinkali. Oui, des sortes de kinkali, enfin en gros des gros raviolis fourrés. Manti. Les manti. En Turquie, il y avait déjà ça, mais c'est des petits raviolis. Là, ils sont vraiment très très gros. Et c'était délicieux. Bon, c'était fourré à la viande, bien sûr. Mais il nous en a fait goûter un et ça valait le coup. On a fait la réserve d'eau qui a un peu fui. Oui, on espère que ça va pas se reproduire trop parce que c'était pratique cette réserve d'eau. On verra. Enfin, c'est que de l'eau, hein. Si ça pue, c'est pas dramatique, mais c'est juste qu'il faut pas qu'on perde notre réserve si on en a besoin, quoi. Oui. Au milieu du désert, ce serait un peu con. Est-ce que t'as dit que t'avais chaud ? Bah là, ça va. Non, ça va. Non, là, je suis bien avec le vent. Bah non, bah, c'était un peu la fournaise dans le wagon avant qu'on parte. Parce qu'il a pris la chaleur de toute l'après-midi, je pense. Et en plus, il est d'un beau bleu... Un bleu ciel à l'image du drapeau kazakh. Et du passeport aussi. Ils ont un très joli passeport. Enfin, la couleur du passeport est très jolie. On a fait une petite réserve de petits gâteaux, tout ça, parce que c'est toujours sympa à partager avec les gens autour de nous. Si on arrive à se faire des copains. Ouais, alors du coup, on est allé faire les courses pour notre rentre parce qu'il y a un wagon-restaurant, mais on ne sait pas trop ce qu'on va y manger. Et a priori, tout le monde fait des provisions. Alors, soit parce que c'est très cher, peut-être, soit parce que c'est pas très bon, enfin, on ne sait pas trop. Donc, bon, bien sûr, dans ce genre de truc, c'est comme pour le transsibérien. Normalement, tu fais ta réserve de nouilles chinoises instantanées dans laquelle tu mets de l'eau bouillante, qui sont dans plein de plastique. Donc, on a essayé de faire au mieux. Donc, on cherche, on a acheté des petits gâteaux en baillon de plastique, mais c'est un sac plastique qu'on réutilisera pour ramasser des déchets. Mais du coup, on a acheté juste des bananes, des pommes. Et on a fait notre réserve de pain. Ce matin, il y avait du pain qu'on n'a pas mangé, donc on l'a mis dans notre sac. Ce midi, il y avait du pain qu'on n'a pas mangé, on l'a mis dans notre sac. Ce soir aussi. Voilà. Donc je pense qu'on devrait s'en sortir. Oui, on n'en refait pas l'erreur du bateau. Ouais, exactement. Parce que non, mais ça va. En fait, on n'a pas eu vraiment faim. Ça allait. Mais on aurait apprécié un petit goûter, quoi. Parce que les portions étaient quand même pas énormes. Et du coup, voilà. Bon, après, comme on n'était pas très actifs non plus, c'est... Oui, ça va. On avait... Quand on mangeait, on était bien. On avait faim au prochain repas, quoi. Clairement, c'était tant que l'arrivée. Oui, on était contents que ça arrive. Donc je pense que ça va être pas mal dosé, on va voir. J'aime bien leur langue, je trouve qu'elle est, assez douce. Surtout c'est un mélange entre le russe et le chinois, il y a beaucoup de che, et du coup c'est assez agréable à l'oreille. Enfin. Et ce qu'on a dit, qui nous laissait passer les automobiles. Laisse passer les. Il est dans un train des années 60, et du coup il s'est dit qu'il allait parler comme dans les années 60. Une automobile. Elle laisse passer les piétons. Mais ils s'arrêtent même avant que tu traverses sur leur voie, quoi. C'est... Ça nous change pas mal. C'est un peu comme dans les pays du Nord. Oui, c'est ça. Bah oui, en Angleterre, dans les pays scandinaves. C'est voilà. C'est appréciable. Hein, quand même, de pas risquer sa vie quand tu traverses, c'est un petit côté sympathique. Mmh. On aime bien. Là, bien sûr, on va pas du tout voir le paysage puisqu'il fait non, nuit. Ça y est, il fait nuit. Mais le soleil va se lever très tôt demain matin, je pense. Donc, très tôt, remarque, c'est pas le si tôt que ça. Hein. Il était 6h, hein, quand ça commence à faire un peu chaud. Je t'avoue que j'étais complètement paumé. Moi. On est avancé nos montres de 2h. Et en fait, c'était que d'1h qu'il fallait. Enfin, c'est nos téléphones automatiquement qui sont mis à plus de 2h par rapport à Bakou. Alors qu'en fait, dans l'est du Kazakhstan, on est à GMT plus 6. Et dans l'ouest, on est à GMT plus 5. Et jusqu'à ce que là où on sera, ça restera GMT plus 5. Ouais. On sera à peu près au milieu du Kazakhstan. Je crois qu'il va faire très très chaud. C'est clairement ce qu'on voulait éviter en allant directement au Kyrgyzstan. Donc on va en effet y rester 2 jours pour se reposer, mais je pense qu'on va pas faire grand chose. Bah, déjà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire à part un énorme mausolée. Et parce qu'il y a des c'est une ville de pèlerinage musulman. Oui, oui, après c'est une Mecque. Enfin, ils appellent la Mecque peut-être kazakh, je sais plus. Mais je sais pas si pour nous il y a beaucoup de choses à visiter, donc je pense que ça va plutôt être du repos et un peu de travail avant de repartir pour aller à Bishkek. Parce que... Alors qu'on y arrive au Kyrgyzstan quand même. Alors peut-être qu'il sera sorti depuis, mais le montage final de notre premier épisode de notre documentaire vidéo est enfin fini. Et on a décidé de le mettre sur une plateforme qui s'appelle WeTube, qui est un petit jeu de mots que je trouve sympathique. C'est donc une plateforme qui est plutôt écologique dans le sens où elle fonctionne avec le, si j'ai compris, le peer-to-peer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur à proprement parler comme Google stocke un peu partout dans le monde avec des énormes serveurs qui polluent bien, qui chauffent bien et tout. Là, c'est chacun qui utilise cette plateforme stocke des vidéos de, des autres, en fait. C'est un peu ce système-là. Je suis pas un expert en la matière, donc peut-être je me trompe, mais ça décentralise un petit peu les données. C'est pas mal, c'est ce qu'il faudrait un petit peu pour tout remplacer ces serveurs un peu polluants, quoi. En vrai. C'est beaucoup de vidéos plutôt écolo, ce genre de choses, je crois, j'ai l'impression. Que, voilà, j'ai pas encore eu le temps de parcourir parce que j'avais pas un bon internet, mais je vais aller regarder un peu des vidéos qu'il y a dessus. Ça nous évite juste de créer un espace Google qui serait pour... parce que YouTube appartient à Google, donc ça nous évite de mettre sur YouTube et d'avoir 15 gigaoctets quelque part qui nous serviront peut-être jamais. Mais non, c'est juste pour dire qu'on n'a pas eu internet pendant du coup... je sais pas, 40 heures quoi, parce que le bateau ça a duré 30 heures, mais on n'a pas eu internet un peu avant et on n'a pas eu internet après non plus. Et là on a repas internet, enfin, donc on a une petite plage horaire très très limitée parce que Altan du coup nous a partagé la connexion cet après-midi, ce qui nous a juste permis d'envoyer un petit message en disant coucou, on est là, vous inquiétez pas, on n'a plus internet. Et à vérifier un peu juste les hôtels quand on va arriver, comment ça se passe, mais c'était assez fugace. Ça nous oblige un peu à se déconnecter. Moi j'aime bien. Ce qui était drôle, c'est ce matin en arrivant au port, en débarquant du bateau, dès qu'il y a du wifi, tout le monde s'est désociabilisé mais complet quoi. C'est fou cette génération internet, enfin dont je fais partie, je suis complètement, hein, mais c'est assez amusant. Je me mettais à la place des gens un peu routards qui. Enfin routes, mais dans le sens qui ont voyagé avec le routard il y a 30 ans. Et qui faisaient tout sans internet, du porte-à-porte, qui galèrent un peu plus et tout ça, qui doivent, quand ils nous voient, doivent se marrer, parce que c'est vrai que nous, c'est quand même moins l'aventure. Ça reste l'aventure, mais bon, on a quand même un filet de sécurité qui est très différent de ce qu'il y avait, je pense, même il y a 10 ans. Clairement, tu voyages pas du tout de la même manière, quoi. Ah non, c'est clair. Bah, c'est quand même un peu rassurant aussi, parce que... Ah, mais c'est sûr, bah... Sans que ce soit, pour l'instant, gênant. Enfin, sur des choses qui seraient pas très intéressantes, c'est-à-dire que là, le bateau, par exemple, ça m'a permis de savoir quand est-ce qu'il arrivait et d'avoir toutes les informations et tout. Bon, attendre 4 jours au port, c'était pas très enrichissant, ça avait pas un grand intérêt de toute façon. Donc bon, au final, on a économisé 4 jours, parce qu'il y a quand même des gens qui ont attendu 4 jours au port. Hein, donc ce genre de truc me va bien, l'utiliser comme ça me va bien. Pour les logements, il faudrait qu'on arrive à plus pas utiliser Booking et à aller directement et tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu encore peur de... De pas avoir de logement. Ouais, ou de le payer très très cher, ou que ce soit pas terrible, parce que du coup tu sais pas avant, t'as pas vu de revue et tout. Enfin, on est quand même un peu dans ce monde où tout est noté et c'est rassurant de voir des photos et d'avoir des avis des gens qui disent ouais, voilà, il n'y a pas de punaise de lit et c'est pas dégueulasse. Et, bon. Parce qu'autant ça me dérange pas d'avoir moins de confort, autant c'est vrai que parfois. La propreté, ça peut être un peu. Enfin, l'absence de propreté peut être un peu dérangeante. Quoi. Enfin, nous, ça nous est pas trop arrivé, mais. Oui, bah on a eu des salles de bain pas très propres, mais moi personnellement ça me dérange pas dérangeant jusqu'à maintenant, tu vois, ouais, mais peut-être que ça pourrait l'être, enfin, si c'était plus que ça. Bah, c'est sûr qu'il faut clairement pas être à cheval, voilà, sur la brillance. Oui, et pourtant c'était que des trucs qui étaient notés, enfin que des hébergements qui étaient notés plus de 8 sur 10 par Booking, tu vois, donc je me dis, si tu descends en dessous, qu'est-ce que ça peut donner? On ne sait pas. On ne sait pas. 22 août 2019. Quelle heure est-il ? 18h30. Dans 2h20, ça fera 24 heures qu'on est parti. Comment s'est passée cette première journée ? Pas bien, écoute. On a beaucoup dormi. De façon intermittente. Oui, parce qu'il fait chaud, parce que... Il y a du bruit, ça bouge dans tous les sens. Voilà, moi j'avais un peu la trouille de tomber. Donc mon matelas glisse, enfin il glissait d'ailleurs, plusieurs reprises je l'ai remis un peu en place. Mais c'est sympa, on s'est fait des copains. De plein de gens, d'ailleurs, différents. Oui. Hier soir, quand on est rentré dans le train, il y avait 3 personnes avec qui on a papoté et sympathisé. Cette nuit, ils sont partis. Ils ont été échangés par d'autres gens. Enfin non, il y en a un qui est resté. Et on a refait connaissance et papoté. Il y en a un qui est resté, normal, parce qu'il s'arrête au même endroit que nous. Et il va au même endroit que nous. Enfin, deux, du coup, qui sont restés, mais c'est juste qu'hier, on ne lui avait pas parlé au deuxième. Ah oui, le deuxième, a priori, de ce que j'ai compris, il est chauffeur d'un petit bus ou d'un gros bus. Mais en tout cas, il m'a dit qu'il partait à 5h du matin et qu'il pouvait nous emmener à Turkestan. Parfait. On se demandait comment... Enfin, on se demandait pas vraiment parce qu'on savait que la solution allait arriver à nous, d'une manière ou d'une autre, mais le fait que le train n'aille pas jusqu'à notre destination initiale est résolu. Il y a une dame qui se trimballe avec de la viande séchée ou poulet séché, je sais pas trop. On a eu droit au poisson séché. Il y a des gens qui font leur petite bise dans le train. Ouais, ils vendent des fringues pour enfants, des bijoux. Des jouets, exactement. C'est rigolo. C'est un petit village, quoi. Notre wagon est devenu un petit village. Et puis les gens se parlent hyper facilement, nous parlent hyper facilement, sont très curieux, mais ça c'est normal. Et on a des petits échanges qui sont sympathiques. Donc là on est avec une dame, de ce qu'on a compris, qui est ouzbek, qui vit au Kazakhstan. Bon, ouais, je pense que c'est ça, mais on n'est pas sûr à ce qu'on sait. Qui parle de quelques mots d'anglais, donc... Ah oui, je suis un petit peu à converser. On se montrait des photos. On s'est pris aussi en photo avec elle, puis avec les gens d'hier. Je crois pas qu'on lui ait raconté ça. Non. Et puis surtout, tu dessines tout le monde, quoi. Oui, alors voilà, j'ai dessiné un monsieur hier. Je croyais pas être trop pris en flag, mais ils ont vu que j'ai dessiné. Et après, bah, tout le monde s'est passé le mot un petit peu dans le wagon, donc j'en suis à mon quatrième ou cinquième dessin. Voilà, on sait comment on va financer notre tour du monde, en vendant des dessins. En vrai, ça te manque. Ouais. Bon, au moins, ça m'entraîne pour ma reconversion en dessinateur de BD. Oui, non, mais en plus, ça me fout la pression, parce que faut pas que je me loupe, quoi. Ça pourrait être mal interprété si tu dessinais mal les gens. Ou pas comme ils ont envie de se voir, en tout cas. Oui, c'est ça. Il y a une dame, quand je me suis réveillée de ma sieste, elle m'a dit que j'étais très bien coiffée alors que mes cheveux sont gras depuis 4 jours et que je ressemble à rien. Je sais pas, je pense pas que c'était ironique, je pense que c'était sincère. J'ai pas très bien compris comment elle avait pu penser ça. Mais... Ah, il y a les petits bonbons là. Ah. Il y a eu des glaces aussi qui sont trimballées. Monsieur avec sa glacière. Non, c'était dès qu'on s'arrête à une station. On risque pas de mourir de faim en vrai. Enfin, nous on avait pris toutes nos provisions suffisantes. C'est-à-dire qu'on mangeait la banane et du pain dur. Waouh, rêve. Non, mais ça va. Bon, globalement, tu peux manger facilement. Ouais. Non, il s'est arrêté une demi-heure à peu près à l'heure du déjeuner. Tout le monde est sorti. D'ailleurs, la dame m'a dit faut aller déjeuner. Ouais. C'est rigolo. Ça va, merci. Non, mais comme on avait plein de bouffe, on s'est dit pour pas la gâcher parce que la banane, ça va vite se gâter. Et puis alors, quand ça sent très très bon après dans ton sac pendant quelques jours, j'adore. Quand ça s'écrase et que ça fait une petite purée de banane dans un sac à dos. Bah. Et donc voilà, il nous reste. Le temps de faire une grosse sieste encore. Oui, 8 heures de train. Et puis du coup, bah, on a notre bus de Zepon qui est. Prévu pour jusqu'à Turkestan. Déjà là, la ville Kizi Lorda. Non, j'y arrive pas, hein. Enfin, ouais. Je sais pas, écoute, tu peux pas avoir tous les talents. Et on sera plutôt content quand même de prendre une douche, non? Là, ouais. Enfin, attends, est-ce que je sens? Non, ça va pas encore. Mais d'où tu fais ça devant les gens comme ça? Tu sens tirer les aisselles ? Oui, ça se fait pas. Ah bon ? Déjà que tout le monde nous regarde parce qu'on a un micro et que... Déjà tout le monde regarde tout court parce qu'on est deux Européens. En plus parce qu'on a un micro. Et plein de trucs chelous avec nous. Du coup, il y a un monsieur qui m'a demandé si je pouvais charger son téléphone avec un chargeur solaire. Je vais payer, j'espère. Enfin, je devrais. J'ai pas le sens du business, quoi. Ça pourrait être un business, d'ailleurs. De louer des petits chargeurs dans le train, là, que tu récupères à la fin. carrément. Oui, il y a mis un peu trop de... d'autre cologne. Parfum, aftershave ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est mieux ça ou la transpi? Ça sent pas, je trouve. Non. Et les toilettes sont pas très propres, mais elles sont pas non plus. Enfin, ça sent pas mauvais non plus dedans, moi je trouve. En tout cas, c'est... Mais je crois qu'elles sont un peu nettoyées régulièrement. Donc ça va, enfin, tu vois, c'est pas catastrophique. Non, mais je. Bon, je poserais pas mes fesses dessus, clairement, mais ça va. Voilà, donc là, on est arrêté dans une petite station. Il y a un chameau devant moi. Voilà, qui se balade près d'une maison. Alors, qu'est-ce qu'on en a vu des chameaux là? Au milieu du désert, des fois, il y a des petites. Oasis, un petit peu de verdure, et puis ils étaient en train de brouter par troupeau avec des vaches aussi, je crois, voir en même temps. Enfin, bon, tranquille quoi. Je savais pas qu'il y avait des chameaux ici, pas des chameaux, des dromadaires. Est-ce qu'on a vu aussi les deux? Ça dépayse pas mal quoi, du coup. Alors, après, pour l'instant, de ce qu'on a fait, on a dû faire plus de 1000 km là. Le paysage n'a pas du tout changé quoi, c'est vraiment. C'est du désert. C'est de la steppe désertique. La steppe, ouais. C'est quand même, il y a pas mal de végétation quoi. Ouais, c'est mais de la petite végétation basse en effet, ouais. Très sèche. Bon, voilà, je suis contente de l'avoir traversé du coup assez rapidement parce que je suis pas sûre que qu'on y retournera du coup de ce côté-là. Autant on va aller peut-être dans l'est du Kazakhstan. Enfin, c'est sûr d'ailleurs parce que de toute façon on reprendra sûrement notre train pour aller en Chine, mais. Et puis Almaty. Ouais. Du coup, on a contact de la dame ouzbek. On a échangé nos WhatsApp. Il se peut qu'on se retrouve à un moment donné, je sais pas. On sait déjà pas ce qu'on fait. Enfin, on savait déjà pas ce qu'on faisait dans 2 heures. 2 heures après être descendu du train, là maintenant on sait, donc on peut pas vous dire ce qu'on va faire. La probabilité pour que quand même nos voisins de couchette aillent au même endroit, qu'en plus l'un d'eux est chauffeur de bus pour Turkestan. C'est plutôt pas mal. Le hasard fait bien les choses, j'ai envie de dire. Bah oui. Le chauffeur il aurait pas dû être là normalement. Ah ouais? C'était ma place, c'était mon lit. Ouais, c'est vrai. Du coup on lui aurait pas parlé. Il se balade un peu dans tout le train, tout ça. Donc. Alors, j'ai pas bougé de ma couchette, mais les gens se baladent, oui. Faut bouger un petit peu, hein, pour éviter les embolies et tout ça. Hein. Oui, enfin ça va, on reste pas trop longtemps non plus. Hein. Ah, et de la soupe chinoise, je pense. Soupe instantanée. Le 23 août, à 2h du matin à peu près, on est arrivé à Kızılorda. Où on était censé s'arrêter. Où le train, pour nous, était censé s'arrêter. Puisque nous n'avions pas de billets jusqu'à Turkestan. Ainsi, nous avons changé de wagon, puisque on avait un... Turkestan, raconte-moi une histoire, quoi. Ainsi, nous avons changé de wagon. Mais les gens, ils vont juste là, en fait. Pas plus loin. Oui, on a changé de wagon, on est allé dans la voiture 16. Notre voisin de chambrée de wagon allait aussi à Turkestan et pareil, il n'avait pas sa place entre Kızılorda et Turkestan. Puisque les voitures 20-21, a priori, étaient décrochées du train et ensuite, du coup, tu restais dans la gare, quoi, si tu restais dans le train. Pour nous, il a négocié avec le contrôleur pour qu'on puisse aller dans une autre voiture pour 1000 tengés par personne. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors on s'est retrouvé dans un endroit où on était un petit peu plus serré du coup, hein, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui ont fait ça. On n'avait pas très bien compris en fait. Nous on pensait qu'on allait avoir une couchette. Oui. Mais non, on n'avait pas de couchette en fait, il n'y avait pas de place. Donc on s'est assis sur la couchette d'autres gens. Oui. Sans vraiment leur demander leur avis d'ailleurs. Non, c'était très très bizarre quoi. Enfin, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est non, mais il nous a dit de nous asseoir, donc du coup on l'a fait. Mais ça n'empêche que ça reste... Moi j'aurais détesté qu'en pleine nuit, il y ait quelqu'un qui vienne s'asseoir sur mon lit, tu vois, par exemple. Et il se trouve que le lit en question, c'était celui de quelqu'un que j'avais rencontré un petit peu plus tôt avec notre ami Altan, où il papotait, et puis voilà, je l'avais rencontré à ce moment-là. Et ça n'avait pas l'air du tout de le perturber, hein. Enfin, lui, il était, non, il était même content de... sa place. Oh, c'est surprenant, ça. Il y a un garde en... quoi, bronze, je sais pas. Oui, jolie lumière. Oui, dans ces pays chauds, comme ça, le soir, les... Tiens, rien. Les couchers de soleil sont magnifiques. Tous les soirs. Hein. Alors, reprenons. Donc nous avons pris ce wagon où nous étions un peu plus serrés. C'est-à-dire qu'il y avait une couchette pour trois, quoi. Voilà. Je me sentais pas super à l'aise, du coup, avec cette idée de... d'être un petit peu... des gens qui sont... On n'est pas les seuls étrangers. Parce que quand même, on croise pas beaucoup d'Européens, donc... les gens nous regardent tous assez bizarrement. Oh là là là là là. Pareil, on pied dans la terre. Ah bah, on a les pieds crado, hein. Oh, ça me... Alors on est... Là, t'es obligé. Oui, donc, j'étais pas... Moi, personnellement, j'étais pas super à l'aise. Bon, déjà, à l'idée de d'être... des enfants qui chantent. Donc j'étais pas super à l'idée justement de prendre la couchette de quelqu'un d'autre, ça avait pas l'air de me perturber. Mais après bon, on était un petit peu serrés, les gens étaient un peu intrigués, savoir ce qu'on faisait, tout ça. Ouais, enfin, et... toi t'es parti de coucher sur une des couchettes, bah, ils m'ont proposé une couchette. On proposait une couchette, toi t'as pas voulu y aller. Non, bah je sais pas, ça me gênait un peu, et en plus, fallait monter du coup sur la couchette du haut, et clairement c'est pas si simple. Non, non, j'ai pas eu la technique du premier coup. Bon, du coup, tu allais te coucher et je les entends. Enfin, moi je suis restée assise et ils parlaient un peu, ils rigolaient pas mal. Je sentais qu'ils parlaient de nous parce qu'ils utilisaient mon prénom de temps en temps et tout ça. C'était pas très très agréable, je dois dire. Alors, je sais pas si c'est parce que ça les amusait ou parce que je ne sais pas si j'ai mal interprété ce qui se passait, mais en tout cas, je me sentais pas très très bien. Pas vraiment à ma place. Et donc ce monsieur qui nous a aidé à aller dans ce wagon, il nous a proposé de, si on n'avait pas un hôtel, de dormir chez lui, à Turkestan. Enfin, on a trouvé ça adorable, mais c'est, nous, ça faisait 5 jours qu'on était dans juste du voyage, et on avait un petit peu... on avait notre bulle... Comment on appelle ça ? La bulle personnelle ? Notre espace vital ? Ouais, on va dire ça quoi. Bon, on va dire que notre espace vital, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vraiment récupéré. Parce que, enfin, jusque là c'était... Attention. Toi tu y vas quoi. Putain, t'es fort folle. Et c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait 2 hôtels recommandés par le Lonely. Et on s'était dit que ça allait nous faire du bien de se reposer un petit peu... à l'hôtel, on voulait bosser un peu aussi sur notre projet, un peu, voilà, être un petit peu, se retrouver tous les deux. Donc on lui a gentiment dit que c'était très gentil de sa part, mais qu'on préférait aller à l'hôtel et que... Donc oui, on lui a dit que c'était très gentil. Via Google Trad, parce qu'on a un peu conversé avec Google Trad, et c'était pas forcément ultra évident, mais il se trouve qu'en arrivant à la gare, on voulait prendre nos billets pour aller à Bishkek parce qu'on avait vu qu'il y avait un train qui allait directement à Bishkek. On voulait prendre nos billets et il nous a dit non et tout. Bon, on n'a pas tout très bien compris, il nous a dit de le suivre. Du coup, on l'a suivi quoi, en sachant pas trop se passait. Vu qu'on lui avait expliqué ce que nous on voulait, je pensais qu'il allait nous aider à nous prendre un taxi, nous amener à l'hôtel et tout ça. Bon, il se trouve qu'on s'est retrouvé chez lui. Et c'est là où en fait il nous a dit qu'il voulait qu'on lui paye. Pour qu'on reste chez lui, quoi. Il nous proposait une alternative à l'hôtel. Qui, financièrement, était très intéressant. 6 fois moins cher que... Au moins 6 fois, voire 10 fois moins cher que ce qu'on va payer à l'hôtel. Ouais. Mais c'était pas du tout la question, donc... Bah, d'une part, c'était pas du tout la question. D'autre part, j'ai pas du tout aimé cette façon de faire, parce qu'il nous a un peu, plus ou moins, entre guillemets, vraiment, entre gros guillemets, pris en otage. C'est-à-dire que on était... chez lui. Au milieu de nulle part, parce que du coup il nous a emmené chez lui, mais c'était pas dans la ville. Qui est vraiment loin du centre-ville. Donc il fallait après qu'on aille chercher, éventuellement, si on voulait vraiment se débarrasser de lui, c'était aller choper un bus ou quoi. Mais on n'était pas vraiment pas avancé. Que depuis de la gare, on aurait pu s'en sortir. Que depuis chez lui, voilà. Donc on a bien mis, je pense, 20 minutes à lui faire comprendre que, en fait, on voulait juste aller à l'hôtel, quoi. Donc c'était pas une question d'argent et. Et après, il nous a proposé de faire le taxi, de l'appeler si on avait besoin de lui pour aller à des endroits et tout. On lui a dit ok, on a pris son numéro. et nous a proposé de nous amener à l'hôtel avec sa voiture. Pour... Bah, c'est nous qui lui avons demandé de nous amener à l'hôtel, parce que c'était quand même plus simple. Voilà. Donc on lui a demandé pour combien est-ce qu'il acceptait de nous amener à l'hôtel. Et donc, il nous a fait un signe de 5. Sachant qu'il avait payé un taxi juste avant pour venir, 500 a priori. Donc on s'est dit, bon, c'est à peu près le prix, ok, 500, ça va. Même si c'est 500 par personne, c'est bon, quoi. Ouais, ouais. Donc, arrivé à peu près devant notre hôtel, on lui donne le billet de 500 et il dit non, non, c'était 5000. Et là, ça nous a emmerdé. Disons que 5000, c'était plus cher que ce qu'on avait payé pour aller du port à Aktao, où il y avait quand même 45 km de transport, enfin de voiture, alors que là, c'était à 4 km, quoi. Ouais, donc ça nous a un peu saoulé, bon, vu qu'on a réussi à s'en sortir pour 1000, finalement à 1000 tangués. Mais on s'est fait un peu avoir sur ce coup-là, parce qu'on était un peu trop habitué à avoir des gens... Désintéressé. Ouais, désintéressé. Ils étaient pas malveillants. Franchement, moi, je me suis pas senti en insécurité, donc c'est pas du tout la question. Clairement pas. En fait, non, c'était la méthode. Et quand il nous a proposé de dormir chez lui, il aurait fallu qu'il nous parle de prix à ce moment-là. C'est pas en arrivant chez lui ou. Oui, sachant qu'on sait que c'était un pays dans lequel il y a énormément d'hospitalité, donc ça m'a pas particulièrement choqué qu'il nous invite à dormir chez lui, en fait. Oui, voilà. Parce que moi, j'étais prêt à acheter à bouffer, à cuisiner, à faire des. À payer des trucs pour lui, enfin à lui faire des trucs. Du coup, faut qu'on soit un petit peu plus vigilant avec ça, finalement, parce que... Ce qui est un comportement qui, je te dis, n'a pas l'air naturel au Kazakhstan, enfin, quand tu lis, enfin, ou en Asie centrale. J'ai lu, en fait, au moment où tu m'en as parlé, où tu m'as dit qu'il voulait qu'on dorme chez lui, j'ai quand même été voir toute la section dans le Lonely Planet qui explique l'hospitalité, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Clairement, c'est pas trop dans leurs habitudes. En général, c'est plutôt comme en Turquie, c'est-à-dire qu'ils t'invitent chez eux, ils te donnent tout, ils sont hyper hospitaliers, donc c'est pas avec un échange d'argent. Ouais. Donc voilà, on a été un peu surpris parce qu'en effet, on s'y attendait pas. Mais. Il y a rien eu. Enfin, à aucun moment on était en danger ou quoi que ce soit. Enfin, c'était pas. C'est juste que c'était un peu relou parce que. On n'avait qu'une hâte, c'est de prendre une bonne douche, d'être vraiment dans notre petit confort un petit occidental de nouveau. Et franchement, quand on est arrivé à l'hôtel, bah déjà en plus, après on est allé au premier hôtel qu'on voulait, qui était le moins cher, bah il était fermé pour rénovation. Et donc on est allé à l'autre qui est un 4 étoiles et donc qui était beaucoup plus cher. Mais... Ça reste pas horrible comme prix, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher par rapport au budget qu'on est censé mettre au Kazakhstan, mais ça ira. Mais là, c'était nécessaire pour notre survie. Et on a dormi d'ailleurs beaucoup, ça nous a fait du bien de nous reposer. Enfin, moi, j'étais vraiment épuisée, donc j'étais d'ailleurs, je pense, un peu déshydratée. Enfin, il y avait plein de... Ouais. Il y avait pris la chaleur, c'était un peu compliqué, quoi. Et on a pu au moins travailler, avancer sur nos projets. C'est très, très confortable, c'est agréable aussi quand même de temps en temps. On fait de temps en temps. Oui, oui, c'est ça. C'est pas trop notre habitude en plus, enfin ce genre d'hôtel, clairement pas. Parce que là, c'était plutôt à une hostel, petits hôtels. C'est pas non plus un truc tu vois, de luxe quoi, ça reste. Oui, oui, bah, t'as une grande chambre à tout, t'as un grand lit. En France, ce serait un 3 étoiles, ce serait pas un 4 étoiles. Je pense pas. Donc voilà, c'était notre journée du vendredi 23 août.